vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Justine Renaud viendra célébrer la science et la musique dans sa chronique Justine Pertine. Et Jimmy Thibodeau fera son rabat-joie en déboulonnant les mythes de la gauche, langue gauche à RBV. Ah, lui, là. Uh-huh. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis. En ce mardi 12 décembre 2017, on est à 136 jours de la fin de l'année scolaire, mais à seulement 9 de la fin de notre session. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières et vous l'aurez peut-être deviné, c'est neigeux ce matin. Oui, un peu moins pire que j'aurais pensé, mais tu me dis que le pire est à venir. Oui, exactement. Apparemment que la grosse partie de la tempête va se faire entre 11h ce matin et 10h ce soir. Donc, faites attention. Puis faites attention aussi ce matin, si vous avez à vous déplacer, c'est pas nécessairement encore très bien déneigé. Donc, c'est comme de la petite poudreuse. Ouais. C'est quand même assez glissant là, dans les rues de Trois-Rivières pour le moment. De bons moments. On a très hâte au retour à la maison ce soir. Ah oh, oui, ça va être donc plaisant. Chocolat chaud, là. Eh, moi, je sors pas de chez nous. Non. Aujourd'hui, à l'émission, Tania, on va avoir du plaisir ensemble. Oui, ben oui. On a confirmé tous nos chroniqueurs d'aujourd'hui. Malgré la météo, ils devraient être avec nous. Donc, à 7h30, Justine Renaud va être là pour sa chronique musico-scientifique Justine Pertine. Ensuite, à 8h30, Dominique Notte-Mavungu et les actualités africaines en Voix d'Afrique. À 9h, Jimmy Thibodeau et sa chronique sur les mythes de la gauche, gauchère bévue. Et finalement, à 9h30, Marc-Olivier Dumas et Sport et Filoché. On va parler de sport et de Jeux olympiques. C'est quand même du sport aussi, mais quand même. Oui, oui, tout à fait. C'est du segment récurrent de Jeux olympiques. Exactement. Donc, c'est ça, c'est l'émission d'aujourd'hui. C'est le fun. Oui, ben oui. On a confirmé qu'on termine le 21 décembre. Et le 21 décembre est à mettre à l'agenda. Ah oui, tout à fait. Surtout si vous avez terminé vos cours, ça vaut la peine de mettre votre alarme quand même pour 7h05 pour pas manquer l'émission du 21 décembre ici même à l'Assemblage requis. On aura l'occasion d'en reparler. Mais avant ça, comme on le fait à chaque fois qu'il y a un petit peu de neige, mais là c'est encore plus approprié, on n'a pas le choix, on écoute Bleu Nuit. Oui, ben oui, évidemment. Une tempête. Pas à cause du ben, à cause du nom de la chanson. Franchement. Quoi que ça crée des rapprochements. Oui, exactement. Cache ton visage, on dirait une tempête. Une tempête de bleue nuit. Assemblage requis, maintenant c'est le moment de s'établir une liste dans son foutu palmarès. C'est la chronique qu'on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, j'ai une thématique genre de héros. Ah, OK. Thématique héros. Hein? Et on commence avec la liste des secrets des fameux stunt doubles hollywoodiens. Tu sais, les cascadeurs, comme on appelle. On aime ça, des stunt doubles. Des stunt doubles. On dirait les collations comme les snackables. Ah les oui, doubles. Parfait. Bref, c'est la même chose. Quand on voit un acteur dans un film, c'est pas toujours l'acteur qu'on voit. Hein? Mais non. Non, il y a des cascadeurs qu'on emploie des fois. Hein? Mm-hmm. Des gens qui ressemblent au moins un petit peu ou de loin aux acteurs principaux. Ils sont amenés là pour leurs habiletés particulières, que ce soit des trucs sportifs, de l'athlétisme, de la violence, des sauts, des trucs comme ça. Des fois, c'est être nu devant les caméras. Ah oh. Des fois, c'est avoir de belles mains. OK. Hein? Ou avoir au moins l'apparence un petit peu d'un acteur qui peut pas être présent. Ah. Peu importe la raison. Donc, commençons par le fait qu'ils peuvent très bien être modèles d'une seule partie du corps. Mm-hmm. Comme Daniel Sepulveres, hein, qui a joué les mains de d'autres acteurs dans plusieurs séries télé, plusieurs films, dans des publicités de produits de beauté, mettant en vedette donc des mains de très, très près pour montrer peut-être de la petite crème, hein, ah, du ben maquillage. Oui. Ouais. Placement de produits. Exactement. Ben justement, elle a fait couler de la vinaigrette sur la salade à la place de Brooke Shields. Non. Quand même fort. Ben. Donc, elle peut peut-être des fois lancer des fichiers sur un bureau, hein, écrire une liste, verser du vin à la place des actrices de la série The Good Wife. Elle a aussi joué les fesses de l'actrice Jill Flint dans cette femme exemplaire, la série télé, quand mm-hmm. même. Donc, elle remarque ses mains à la télé, où elle voit un petit peu ses épaules ou ses cheveux. Elle se reconnaît comme un chat. Quand elle dit à Good Housekeeping en 2016, quand elle a entendu le réalisateur se plaindre que ses poignets étaient vraiment trop différents de l'actrice principale du film dans Mania Days en 2015, elle a réussi à ne pas se faire virer quand même, mais elle n'aurait pas été surprise si ça s'était passé, parce qu'elle ne ressemblait pas du tout à l'actrice. Mais pourquoi est-ce qu'elle a été engagée? Uh-huh. C'est ça que je comprends pas, en tout cas. Bref, les doubles corporels, on pourrait les appeler comme ça, sont des fois amenés sur le plateau lorsque l'acteur ne veut pas tout montrer à la caméra, mais ça leur arrive d'être engagé pour d'autres raisons. Pour commencer, les règles du syndicat des acteurs disent que les acteurs ont droit à 12 heures de congé entre lorsqu'ils quittent le plateau pour une journée et leur call time, donc leur début de journée pour la prochaine journée. Donc, si les shootings sont trop longs, ils vont peut-être demander à quelqu'un d'autre de remplir son rôle. Ah, OK. Ouais, temporairement. Sinon, c'est une question de talent. La plupart des acteurs sont peut-être capables des fois de chanter, de danser ou de pleurer à la caméra, mais ils n'ont pas les prouesses athlétiques nécessaires pour avoir l'air d'une légende sportive. Par exemple, dans Battle of the Sexes en 2017, Emma Stone joue Billie Jean King, ouais. Une des meilleures joueuses de tennis de tous les temps. Et pour représenter le talent de King sur le court, on a demandé quand même à amener un double, mm-hmm. une double pour la jouer, elle et sa co-vedette. Son co-vedette. Ouais, ça se dit mal, hein? Ben... Non, parce que non, c'est ça qu'on veut dire. Ouais, c'est une couvette. Ouais. Ouais, même si c'est un gars, c'est Steve Carell. Bref, qui a été choisi pour représenter plus le style de jeu de Billie Jean King et les autres. Donc, selon The Wall Street Journal, ça a été un énorme succès. Mm-hmm. Le tennis est très, très crédible et la représentation est méticuleuse. Donc, c'était parfait. Ensuite, les acteurs peuvent ne pas tellement aimer les personnes qui les jouent. Ah ouais, ça doit, hein? Ça doit. Donc, quand tu dois choisir un double pour une vedette, des fois, ben les égos peuvent prendre toute la place. Et le choix, ben évidemment, vient représenter quand même l'acteur principal dans le film ou dans la série télé. Donc, Didi Ricketts, réalisateur du casting pour Titanic, a dit ça à Vanity Fair en 2016. Directeur du casting, j'imagine qu'on dit même si directeur, c'est réalisateur. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Directeur d'éducation, on va dire directeur d'éducation. Oui, c'est tout ça, exactement. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Hein. Bref, ils peuvent pas être trop minces, trop beaux, trop gros, trop vieux, ou sinon l'acteur va penser, mais voyons donc, c'est comme ça qu'il me voit. Mm-hmm. Ça se peut pas. Hein. Les acteurs peuvent souvent donner leur avis sur la personne qui va jouer leur double, et des fois, ben, ils ont les droits d'approbation finale, et c'est écrit dans leur contrat. Hein? Lorsqu'elle a été considérée pour le poste de double corporel pour Janet Leigh dans Psycho, dans la célèbre scène de la douche, la top modèle et cover girl de Playboy, Marley Renfro, a dû se déshabiller pour Alfred Hitchcock. Lui qui, on entend souvent parler de son petit côté ouais. De ces temps-ci, inconduite sexuelle. Bref, elle a dû se déshabiller, Marley Renfro, devant Alfred Hitchcock et Leigh elle-même pour pouvoir s'assurer que le corps était assez similaire à celui de Leigh. C'est ce que Renfro a révélé récemment. Dans le cas des scènes nues, les acteurs peuvent même avoir le droit d'approbation finale sur les mouvements que les doubles corporels vont avoir le droit de faire. C'est sévère, hein? Oui, très. Ça se pourrait par contre qu'ils ne rencontrent jamais leur double. Ah oui, ça se peut ça. Ouais, donc si tu travailles comme double pour un acteur, par définition, tu vas pas avoir de scène avec parce que c'est un peu le but. Ça serait bizarre de la chose. À moins qu'il faut que tu rencontres ton double. Oui, c'est ça, puis qu'après ça, ça va être superposé par-dessus que l'autre, de quoi à quoi réagir. Ah, c'est pas fou ça. Bref, certains doubles ne rencontreront jamais les vedettes qui sont supposées être. L'actrice danoise Elvira Fries, qui a travaillé comme double corporel pour Charles Gainsbourg. Oui! Charles Gainsbourg! et la version plus jeune du personnage joué par Stacey Martin, parlant des scènes un petit peu plus coquines du film de Lars von Trier, Nymphomaniac en 2013, n'a jamais rencontré l'actrice. Elle s'est rapprochée, le plus près qu'elle a pu atteindre Charles Gainsbourg était qu'elle portait la même robe qu'elle. Ah ouais? Ouais. Sinon, ils peuvent passer de très longs moments avec les personnes qu'ils jouent. Ben, donc, le contraire, oui. Complètement. Le temps qu'un acteur passe avec son doppelganger, comme on l'appelle, donc son double, dépend vraiment du rôle. Certains acteurs vont passer beaucoup de temps avec leur double sur le plateau pour les aider à entrer dans le rôle. Dans What Happened to Monday en 2017, Noomi Rapace jouait le rôle de sept sœurs identiques, rendant les doubles très nécessaires sur le plateau. Rapace a aidé à réaliser ses doubles pendant qu'on filmait le film, donc réaliser comme d'en faire la réalisation, parce qu'il devait savoir comment la vedette jouerait cette scène pour chaque personnage pour que tout soit synchronisé lorsqu'elle allait performer la scène elle-même, parce que c'était évidemment Au final clairement. Elle-même qui jouait les sept rôles, selon The Hollywood Reporter. La vedette de Game of Thrones, Lena Headey, qui joue Cersei, a travaillé de très près avec son double Rebecca Van Cleave pour une scène de nudité dans la cinquième saison. Dans la finale de la cinquième saison, Headey a donc parlé à Van Cleave et lui a raconté comment son personnage pensait et tous les mouvements pour chaque cadrage du film. Et ensuite, Headey a fait la performance elle-même portant une robe beige qui allait pouvoir être enlevée au montage. Et dans le produit final, les expressions faciales de Headey ont été fusionnées avec le corps nu de Van Cleave. Ah, ouais. Fort, hein? Ah, ça doit être tellement bizarre, par exemple. Tu sais, tu te regardes à la finale, puis là, t'es comme « Ah, c'est pas mon corps, mais c'est ma tête. » C'est bizarre. Ils ne ressemblent pas toujours exactement à leur doppelganger, les doubles corporels au cinéma. Donc, on les voit souvent seulement du côté ou de dos. Donc, ça se peut qu'ils ne ressemblent pas tellement à leur acteur de face. Hein? Donc, Brad Baker, qui a travaillé avec Leonardo DiCaprio comme double corporel dans Titanic, avait quelques pouces de moins que DiCaprio et était plus vieux de 7 ans. Oh, mon Dieu, OK. De devant, t'aurais jamais pensé que c'était le doppelganger, mais de dos, avec les mêmes cheveux, les mêmes vêtements, et filmé d'en haut par en arrière, ça avait facilement l'air de DiCaprio. Une fois que les plans rapprochés de Léo étaient terminés, selon Vanity Fair, Baker était ramené souvent pour être à côté de Kate Winslet alors qu'elle jouait sa partie de la scène, parce que les deux étaient pas nécessairement disponibles en même temps, j'imagine, une question de timing. On dit que dans certains cas, il ne s'est pas rendu dans le cadrage final du tout, mais devait être quand même sur le plateau pendant 14 heures par jour pour filmer le film au complet. Hein, c'est beaucoup de temps. C'est du travail dans le beurre un petit peu, mais bon, hein? T'es payé pareil. Oui, c'est ça. De nos jours, ils peuvent quand même être améliorés un petit peu par les graphismes par ordinateur. Mm-hmm. Avec l'aide de la technologie, les gens qui font des films peuvent mettre la face d'un acteur sur le torse d'un double corporel pour ne pas avoir à limiter leur double corporel à seulement le derrière de la tête ou à des cadrages partiels. Ça leur permet donc de fusionner l'acteur et le doppelganger en post-production. Ça permet aux réalisateurs d'avoir exactement la scène qu'ils ont en tête, comme dans Orphan Black, avec Tatiana Maslany qui joue plusieurs rôles en même temps, un peu comme dans le film dont on a parlé tantôt, ou dans certains cas, sinon, les acteurs qui veulent pas être totalement nus devant la caméra. Dans certains cas, ça peut être utilisé aussi pour amener les acteurs qui sont morts, comme Paul Walker, qui est décédé dans un accident pendant qu'ils ont filmé Furious 7 en 2015. On a utilisé son frère, vous le savez, et un autre acteur comme double corporel, surimposant donc des images générées par ordinateur du visage de Walker sur leur performance à eux. Environ 260 bouts de films mettant en vedette les doubles de Walker ont apparu dans le montage final du film. Ensuite, si un acteur ne peut pas changer son poids pour un rôle, on peut avoir un double corporel. Hey, pour ça. Lorsque Matt Damon filmait The Martian en 2015, il voulait perdre entre 30 et 40 livres pour jouer l'astronaute Mark Watney après avoir survécu sur des rations pendant plusieurs années. Mais l'horaire du film rendait ça impossible. Donc, on a amené un double corporel pour certains cadrages. Il dit qu'il voulait perdre beaucoup de poids pour le troisième acte du film et ensuite reprendre le poids. C'est ce qu'il a dit à McLean's. Malheureusement, son horaire, finalement, ne fonctionnait pas avec ça. Ils ont filmé les scènes intérieures de la NASA en Hongrie et ensuite, ils sont partis en Jordanie, qui jouait le rôle de la planète rouge pour le film. Ils ont filmé les scènes extérieures du début, du milieu et de la fin sans aucun temps pour que Damon puisse perdre le poids nécessaire. Et le double corporel qui est plus maigre, c'est pas un double de gras, c'est un, non, c'est ça, exact. Un double de pas gras. Bref, qui est pas à l'écran trop longtemps, peut-être dans deux cadrages environ du film, deux scènes, deux bouts de scènes si on veut. Et finalement, ils ne se rendent jamais devant la caméra des fois. C'est triste quand on parle de nudité. Des fois, les doubles corporels sont engagés mais jamais utilisés. Une vétérane, comme on appelle, du doublage corporel, Laura Grady, a été engagée pour le rôle de Robin Wright, donc l'actrice Robin Wright, dans le film State of Play en 2009, mais elle n'a pas filmé une seule scène. Elle s'est assise dans son trailer, donc c'est sa loge, si on veut, prête à jouer, mais à la fin, ils ont décidé, en fait, Wright a décidé elle-même de faire ses propres scènes. Oh, peut-être qu'il s'aimait pas. Ah, ça se peut. Tu penses que j'ai l'air de ça, mon voisin? C'est ça, exactement. Non, finalement, on dit que soudainement, l'actrice s'est sentie confortable. Ils avaient engagé une double corporelle parce qu'ils pensaient qu'elle allait avoir besoin de ça, mais elle a dit non, je suis confortable, je vais le faire, aucun problème. Ou sinon, des fois, ils peuvent changer la scène et la rendre moins risquée, peut-être pour avoir une meilleure cote côté l'âge que les gens peuvent avoir pour aller voir le film. Voilà, donc, pour les secrets des doubles corporels, si on peut appeler ça comme ça, je sais qu'on dit vraiment pas ça, les body doubles d'Hollywood. Et on continue dans le même domaine un petit peu, je disais qu'il y avait une thématique héros aujourd'hui. On parle de choses surhumaines que les gens ont fait pour survivre à des désastres. OK. Ouh, hein, ça pourrait faire des bons films. Ben oui. Lorsqu'on fait face à une situation de vie ou de mort, des fois, on peut faire quelque chose d'incroyable pour survivre. On a tous entendu des gens qui levaient des voitures pour sauver leurs enfants, etc. Des choses qui seraient impossibles dans notre état normal. Eh bien, on parle de ces pouvoirs incroyables qui sont souvent le résultat d'une peur extrême. C'est ce qui est de chimique dans le cerveau, la réponse non rationnelle au danger. Donc, quelques petites histoires par rapport à ça. Commençons par Ken Jones, qui a réussi à s'enfuir d'une avalanche. Donc, l'étudiant universitaire Ken Jones, qui essayait de grimper la plus grande montagne de la Roumanie en 2003, lorsqu'il a été enterré, non pas dans une, mais dans deux avalanches. Ouf. Hein, t'sais, la malchance. Ben oui. Jones grimpait tout seul dans des températures vraiment très froides. Il s'était rendu presque au sommet de cette colline, de cette montagne à 8000 pieds de haut lorsqu'il a été frappé. Ça a cassé sa jambe. Ça a comme écrapouillé son pelvis. Oh my God. Mais il a réussi à trouver la force pour sortir de la neige, grimper, ramper pendant 10 000 de long jusqu'à une ville proche de là. Ça lui a pris 4 jours. Et lorsqu'il a été transporté à l'hôpital, les médecins ont réussi à réparer ses os brisés, mais ils ont dû enlever une bonne partie de son estomac à cause d'ulcères qui ont été amenés par le stress. C'est fou. Il était dans l'armée dans le temps, donc j'imagine que c'est pour ça qu'il y a quand même quelques petites aptitudes de plus que nous. Mais bon, on disait qu'il n'était pas supposé de marcher de nouveau, mais il a réussi à s'en remettre et il a maintenant sa propre compagnie de fitness. Ben oui. Hein? C'est fou quand même. Il apprend aux gens comment sortir d'une avalanche. C'est ça, c'est vraiment fort. Il les met en dessous d'une avalanche. C'est ça, fait des simulations. Tu veux savoir comment faire. Ensuite, les mineurs, les gens dans les mines au Chili, qui ont survécu en dessous de la terre pendant 69 jours. On se rappelle pour la plupart de cette histoire-là, qui date de 2010 quand même. Le monde regardait le Chili, où donc une mine de cuivre et d'or... emprisonné 33 mineurs sous la terre. Les hommes ont gardé leur sang-froid en attendant d'être sauvés. Ils ont installé et créé leur propre système pour avoir de l'eau à boire et une salle de bain. Une toilette. Ouais, c'est ça. Tout en rationnant leurs médicaments et leur nourriture. À chaque 48 heures, chacun mangeait 2 cuillerées de thon, buvait un demi-verre de lait et un demi-biscuit. À chaque 48 heures, une fois aux 2 jours, c'est vraiment pas souvent ça. Épuisés et déshydratés, ils ont même aidé à enlever des matériaux qui étaient dans leur tunnel pour s'échapper. Donc, ils ont réussi à tasser ça. Ils ont été retirés du sol après 69 jours. Ensuite, Julian Koepke, qui est tombé d'un avion à 10 000 pieds et qui a survécu à seulement à l'âge de 17 ans. Donc, Julianne Koepke était la seule survivante d'un accident d'avion en 1971 au-dessus de la forêt péruvienne. L'avion commercial qui a été frappé par l'éclair et qui s'est défait en morceaux à 2 000 de distance du sol. Koepke est tombée. Toujours attachée à son siège, elle est atterrie avec des blessures mineures. Étant la seule survivante, elle a suivi donc une rivière, une rivière qui coulait là, pour situer où étaient les humains près de là. Après 9 jours, elle a découvert donc un toit pour s'abriter et elle est restée à l'intérieur, traitant ses morsures d'insectes avec de la gasoline jusqu'à ce que des bûcherons qui utilisaient souvent ce toit-là, cet endroit-là, sont arrivés et puis ont pu la ramener à la sûreté. Koepke, qui avait 17 ans, on se rappelle dans l'histoire au début, elle a grandi, elle est devenue biologiste. Félicitations. Wow. Ensuite, Erin Ralston, qui a amputé son propre bras. Vous vous rappelez du film, peut-être, 127 Hours en 2010. Donc, l'escaladeur Erin Ralston, qui a fait l'impensable. Donc, il a été... un petit peu serré entre des roches. Là, c'était une roche de 800 livres dans l'Utah. Exactement. Il a donc amputé son propre bras. Ça s'est passé en 2003. Le film était en 2010. Mm-hmm. Ça a pris plusieurs... James Franco qui joue dans 127 Heures. Monsieur Franco. On va l'appeler Monsieur Franco. Ben, je sais qu'il y en a deux, là. Il y a le frère puis le frère. C'est James, non? Je pense que c'est James Franco qui joue dans celui-là. Oui, c'est bel et bien James Franco. Bref, ça s'est passé en 2003. Ça a pris plusieurs jours, pardon, pour qu'il puisse se sortir de là. Il était dans un canyon. Il n'y avait plus de nourriture, d'eau ou personne autour pour l'aider. Il a attaché son bras avec un tourniquet qu'on appelle. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Il a utilisé un couteau de ses petits outils qu'il avait sur lui pour couper à travers la peau, les muscles et les os. Mm-hmm. Et l'os. Ouais, et ensuite, après s'être libéré, il a dû grimper à travers le canyon, descendre, puis marcher pendant plusieurs milles de distance pour trouver la première personne qui pouvait demander de l'aide. Il dit « Je suis pas sûr de comment j'ai fait ça. » C'est un ancien ingénieur mécanique. C'est ce qu'il a dit à une conférence de presse après être sorti de l'hôpital. Et pour terminer, Harrison O'Keen, qui a vécu dans une poche d'air en dessous de l'eau pendant 3 jours. Donc, il était sous l'eau en 2013. C'est un marin du Nigeria, je crois qu'on dit. Harrison O'Keen, qui a survécu dans une bulle d'air donc de 4 pieds carrés pendant 3 jours. 3 jours. Donc, plus longtemps que n'importe qui aurait pu faire avec de l'oxygène. Là, c'est son bateau qui a viré de bord, en fait, dans l'eau. Et puis, une bulle d'air est venue se prendre dans la salle de bain, la toilette de son bateau. Donc, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas d'eau à boire non plus. Il était dans des températures très, très froides pendant plusieurs jours avant que des plongeurs de l'Afrique du Sud le remarquent et viennent le chercher. Ils ont été complètement sous choc lorsqu'ils ont vu qu'il était vivant. Il a dû passer 2 jours dans une chambre de décompression avant de revenir à la surface. Et à ce moment-là, un instructeur de plongée a dit à un journal que ce plongeur récréatif ne serait qu'un plongeur récréatif, ne serait capable de survivre que pendant 20 minutes à ces profondeurs-là. Donc, survivre aussi longtemps dans une bulle d'air, finalement, dans la salle de bain et la toilette de son bateau, c'est phénoménal, dit-il. Voilà donc 5 super-héros de la vie de tous les jours. Pour Erin Ralston, qui a lui-même coupé son propre bras, on se rappelle 127 heures, c'est aussi qu'il se filme. Eh bien, le film a vraiment été fait quand il est resté pris à cet endroit-là. Il a vraiment filmé ce qu'il a fait. Par contre, ce que ça dit, c'est que seule sa famille et ses amis ont vu le vrai vidéo. OK, donc le film, c'est une reconstitution, si on veut. Exactement, une reconstitution, bien sûr... style hollywoodienne. Oui, mais quand même. Parce que j'imagine que ça crie pas mal plus que ça. C'est déjà assez hollywoodien comme événement. Oui, exactement. Ce film-là existe encore. C'est juste gardé dans un safe dans une banque. Ah ouais. Wow. Ouais, il a gardé l'enregistrement, mais seulement sa famille et ses amis ont vu le vrai film de ce qui s'est produit. Mais c'est glauque de montrer ça à tes amis et ta famille, genre toi en train de te couper le bras, tu peux garder. Mais peut-être que c'était à la suite d'une thérapie après tout ce qui est arrivé. Tu sais, choc post-traumatique, tout ça, probablement que ça fait partie d'une certaine... Ben, ça se peut. Ouais, c'est ça. Ça se peut, ben. Wow! Voilà, donc pour son foutu palmarès, étant donné qu'on a passé du temps dans l'eau, on va entendre Lake of Rage, parce que t'es vraiment enragé dans l'eau, dans ta bulle d'air. Voici The Roddy Ruckus, Lake of Rage. Assemblage Ricky, c'est... We'll be right back. I drop the book, and as I turn the page, it sinks to the bottom of a lake of... I can't take it, I won't make it, I'm so terrified. Can't believe it, I won't leave it, you're just what I crave. I can't take it, I won't make it, I'm so terrified. Can't believe it, I won't leave it, you're just what I crave. On a lake of rage, on a lake of rage, on a lake of rage. Rudy Rocus avec Lake of Rage. Ouh. Dans quelques instants, Justine Renaud et Justine Pertine à Assemblage Requis. Ouh là là, j'ai hâte. Assemblage Requis. Plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? Toujours dans l'émission matinale Assemblage Requis, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Ok, oui, on le disait, Mathieu, plus la température va changer, plus les gens devraient, en temps normal, arriver un petit peu plus tard. Ouais, un petit peu en retard, mais un petit peu. Pas trop, ça devrait mais bien non. aller. C'est juste qu'à la fin, Marc-Olivier va se ramasser avec les cinq dernières minutes de l'émission. C'est ça, exactement. Bon. Bref, c'est l'émission qu'on a pour vous aujourd'hui, de s'entasser tous en dessous d'une grosse boule de neige. Mm-hmm. Hein? Comme les gens tantôt. Ben, on n'aura pas le choix parce que si on regarde à travers la fenêtre ce matin, moi, je m'en allais dire à Mathieu, hey, j'ai assez hâte qu'il commence à faire plus clair, mais j'ai pas réalisé que c'était juste parce qu'il y avait de la neige qui tombait constamment. Beaucoup de neige. Et si vous êtes comme moi, genre tête en l'air un petit peu, là, regardez les poches de votre sac à dos ou de votre sacoche, tu sais, fermez-les. Toutes. Parce que j'avais laissé la poche en haut d'ouverte, fait que ma batterie externe était sous la neige. Laissez rien à votre voiture, hein, non plus. Non. Moi, j'ai comme une grosse caisse. Ben, c'est de l'alcool, ça peut pas geler. Là. J'ai une grosse caisse de vin dans ma voiture pour une campagne de financement. Là. Ça n'a pas rapport à la raison du pourquoi. Mais j'ai comme pas eu le choix de la laisser dans la voiture. Fait que là, je me demande si ça va pas exploser durant la journée. J'espère pas. Une chance que tu ne verras pas des canettes de liqueur. Oui, c'est ça, exactement. Au pire, je me dis, bon, vers midi, je vais aller la chercher, je vais la rentrer. Mais on se croise les doigts. Et on touche du bois. Exactement. Et mettez vos foulards, mitaines et bottes. Ah, habillez-vous. Faites pas comme moi ce matin. Mettez pas de petites jupes avec des collants. T'as mis une petite jupe avec des collants. Juge les filles qui rentrent à la chasse-galerie avec ça, puis tu portes ça toi-même. Ben, écoute, c'est parce que quand je me suis réveillée ce matin, il faisait tellement noir qu'on voyait pas la température extérieure. Tu sais, il annonce sur tous les médias possibles qu'il allait avoir une tempête de neige aujourd'hui. Ouais, mais j'ai... écoute, hein, c'est un pet de cerveau, là. Je sais pas. S'il y a juste la connexion, c'est pas fait. Voilà. Oh boy. Bref, si tout va bien dans quelques instants, Justine Pertine, mais avant ça, tu l'as dit, il fait noir. On a l'impression que c'est, je sais pas, très, très, très plus tôt que ça le matin, encore plus, hein? Parce que c'est la neige qui vient tout noircir ça. Donc voici Retour au noir de Zen Bamboo. Tu as creusé un trou dans mon ventre mou. J'ai découvert là où avant il y avait du sang. Attends, il faut trouver les bons mots. Une sphère remplie de lumière. Une sphère remplie de lumière brûlante. Thank you. quand le retour au noir, à quand le creux dans le regard. Un. Deux enfants mutants tremblants qui jouent à l'amour sans vraiment savoir comment. Perroquet perdu dans les jungles roses. Oh. Deux poupées de peau, la tête remplie de pluie battante, chauve-souris de pornographie, laissés trop souvent tout seul avec l'ordi. Les Bambou! Ah, semble être qui? Ben oui. Tu l'aimes pas, le retour? Ben oui. Tu dis arrêter de sacrer. Mm-hmm. Ben oui, mais là, qu'est-ce que tu fais? Hey, pendant qu'on a le temps, c'est le moment d'aller rendre visite au palmarès, c'est fou! C'est le bloc des palmarès c'est fou, on se fait un petit bloc thématique, une chronique concernant la musique des palmarès c'est fou. Et aujourd'hui, on dit au revoir aux pièces qui nous ont quittées depuis les précédents palmarès dans Palmarès in Peace! Come on. Come on. Ah! C'était si beau! Palmarès, ah, je te gâche qu'il y a un silence au début de mon montage, j'ai oublié de le retasser à gauche. Pour ça. Ils ont quitté depuis les précédents palmarès. Ton petit pas super étincelant. Cours toujours, succombera prochainement. Cours toujours, tes genoux adolescents. Cours toujours, saigneront abondamment. Cours toujours, à quoi? Son dos. décembre 2017. On a commencé tout ça avec Paupières et qui ne cesse de courir avec Cours Toujours qui est resté au palmarès pendant 6 semaines. Chérie est retournée se mettre en bobette après sa tragédie en tuxedo qui a duré 7 semaines. Charu est allée dormir avec Morphine parce qu'elle est restée là pendant 4 semaines seulement. Hulk Hogan a fini par se rendre aux portes du paradis avec The Light, la lumière au bout du tunnel qui a duré 4 semaines. Et puis ça m'est venu comme une illusion de Bear Brothers avec It Came To Me qui est resté là pendant 7 semaines. Et comme on a du temps encore aujourd'hui, on va pouvoir s'entendre une pièce à laquelle on a dit au revoir. On s'est dit qu'on allait prendre, parce qu'il n'y a pas vraiment de pièces qui nous attiraient tant que ça, non, dans exactement. Ces 5-là. On s'est dit, celles qui ont eu le moins de temps sur nos palmarès, là, on aurait joué Charu. Ouais, pas sûr. Moins notre genre. Alors qu'on va entendre Hulk Hogan. Vous voyez le processus d'élimination qui c'est a mené... C'est comme ça que ça fonctionne dans notre émission. Hulk Hogan. Voici The Light tout de suite. À son âge requis, c'est dans Palmarès in Peace. Hogan avec The Light dans le segment Palmer Rest in Peace. Vous êtes toujours à Assemblage Requis. Maintenant, ben, Caroline, ça va être à ton tour, finalement. Hein? Ça, on a déterminé que... Vous voyez notre façon d'animer? On s'adapte. C'est comme ça, exactement. On n'a pas le choix, c'est du live. Du live, les gens sont pas là, qu'est-ce que tu veux. Voici Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna dream. Tu ne parles pas de ta décoration de Noël aujourd'hui, malheureusement. Non, je pourrais vous en parler par contre, parce qu'il y a une bonne partie qui a été faite hier, une bonne partie, c'est faux, il y a juste le sapin qui a été fait hier. Ouais, c'est ça, ben oui. Il n'est même pas encore terminé, mais ça s'en vient lentement, mais sûrement. J'espère d'ici mercredi, parce que j'ai un souper chez moi mercredi soir. Il y a une petite jupette. Exactement, une petite jupette, une étoile au-dessus du sapin, mais ça s'en vient. Ah. Ça s'en vient. On essaie de consolider travail, études... C'est ça, et Noël. Études et Noël, OK? As-tu vu le mime? C'est tellement cute, le petit mime, genre de... Le gars, il se demandait, genre, est-ce que je devrais mettre une étoile ou un ange sur mon sapin? Fait qu'il a mis une photo de son chien parce que c'est une étoile et un ange. Non, je l'ai pas vu. C'est cute! Oh, c'est mignon! Bref, aujourd'hui, oui. Tania, hein, dans ta chronique, on parle d'une ville, c'est oui, ça? Oui, exactement. Hey, t'es allé lire les quatre mots. Oui, on parle d'une ville parce que si vous vous rappelez bien, hier, je vous ai un petit peu présenté dans Tu manges mon cœur, le site Internet de Tourisme Mauricie. Oui. Et je vous ai dit que dernièrement, il y avait beaucoup de choses que je vous parlais, que je vous faisais découvrir, qui venaient de cet endroit parce que c'est un petit peu une mine d'or, en fait, en termes de mieux connaître notre région. Et parfois, c'est ce qu'on a de la difficulté à faire. De mieux connaître notre région, autre que la rue sur laquelle on vit, autre que de sortir un petit peu plus de la ville dans laquelle on vit. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter la féerie de Noël de Saint-Élie-de-Caxton. Oh. Parce que Saint-Élie-de-Caxton, oui, je pense que la plupart des Québécois, présentement, on connaît cette petite ville-là, ce petit village, si vous me permettez, autre que ville, grâce à Fred Pellerin. Mais il faut quand même savoir qu'il y a une féerie de Noël qui y vit. Et c'est quand même assez incroyable. Donc, l'univers de Fred Pellerin et le temps des fêtes, c'est un match qui est absolument parfait. On ne peut pas nécessairement faire mieux en termes d'équation. Et Noël, c'est un temps de l'année où on aime quand même retomber en enfance, replonger dans nos traditions, notre identité aussi en tant que Québécois. C'est un petit peu de la nostalgie, donc c'est un mois de nostalgie. Après ça, tu files mal, mais c'est pas grave, on s'en remet par la suite parce que l'été arrive. Donc, c'est en plein un peu ce que nous fait vivre Fred Pellerin avec la féerie de Noël à Saint-Élie-de-Caxton. Fred Pellerin, hein, c'est ça que tu dis? J'ai dit Fred Pellerin. Non, je sais, mais les deux fois, tu disais ouais, je Fred sais, mais là, qu'est-ce que tu veux, là? Hein? OK? Donc, on va essayer d'ajouter à tout ça la magie, en fait, du village, parce que tout est magnifié, en fait, par les gens qui y habitent déjà. Si les gens du village se prêtaient pas nécessairement un petit peu au jeu, c'est sûr et certain que Saint-Élie-de-Caxton aurait peut-être pas nécessairement la féerie qu'elle connaît présentement, mais c'est ça qui fait en sorte que c'est le fun de pouvoir y aller, de pouvoir aller se balader, de passer une journée ou encore une soirée. C'est que tous les gens du village se sont mis un petit peu comme derrière Fred Pellerin pour appuyer ce qu'il fait et de justement mettre la main à la pâte à cette fameuse frénésie du temps des fêtes. Donc, la première chose dont je veux vous parler de la féerie de Noël, eh bien, c'est la balade contée. Vous allez avoir des contes qui vont vous être racontés à travers le village de Saint-Élie-de-Caxton. Et il y a des dates pour 2017 et 2018. Alors, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez en avoir durant la semaine ou encore durant la fin de semaine, mais vous devez absolument réserver à l'avance. Donc, si on se fie comme ça, bien, c'est sûr et certain que Fred Pellerin va se faire un plaisir d'aller vous raconter les légendes du temps où, justement, Noël était fêté à Saint-Élie-de-Caxton. On le sait comment il réussit à très bien faire la mise en scène de tous ces petits contes. Il réussit aussi à faire éveiller certaines étoiles dans les yeux, soit des plus jeunes ou encore des plus vieux. Alors, c'est un petit peu ça aussi, Saint-Élie-de-Caxton, la magie des fêtes derrière tout ça, grâce à Fred Pellerin, c'est que tout le monde se trouve une petite appartenance sans nécessairement être bien de Saint-Élie-de-Caxton. C'est qu'on trouve que la nostalgie, justement, qui nous est diffusée, qui nous est transmise, bien, ça nous colle à la peau. Alors, on a tout simplement envie d'y retourner. On a tout simplement envie de rester là et d'en apprendre beaucoup plus de ce côté-là. Donc, je vous parlais des balades comptées. C'est une activité centrale de ce fameux... J'ai comme le goût de l'appeler le festival de Noël, mais ça s'appelle vraiment la féerie de Noël. Donc, c'est la balade. Ça dure environ 1h10 et ça vous fait sillonner les rues du village, justement à bord d'une petite carriole qui va être tirée par un tracteur au son d'un conte inédit de Fred Pellerin. Au cours de la balade, on va s'arrêter également à l'église du village. Vous allez avoir une portion du conte qui va être fait sur vidéo. Puis tout va se terminer au Garage de la culture. Donc c'est une nouvelle œuvre qui est sonore, qui a été réalisée en 2015 et ça met en vedette le personnage de la belle Lurette. Donc on vous plonge en fait dans la même histoire que le personnage. Le personnage est plongé dans un long coma après avoir essayé d'avancer le temps pour faire revenir son amoureux de la guerre. Et pour sauver sa fille, eh bien le forgeron qui est Riopel va manipuler le temps et l'argent d'une manière que seul Fred Pellerin est capable d'imaginer avec le talent qu'on lui connaît, justement. Et c'est un très beau conte, plein d'esprit, très rempli de symbolique aussi, de belles symboliques, de belles valeurs. Bon, c'est sûr que de voler, non, mais vers la fin, on se rend compte qu'il y a des belles valeurs dans le conte. Et au cours de la balade, bien, on va s'arrêter également à l'église du village. Donc, on va avoir une portion, comme je le disais, qui va être vidéo, pas nécessairement juste sonore. Donc, pour ceux que ça intéresse, si vous avez des jeunes enfants, bien c'est sûr et certain que ça peut être quelque chose qui va être très, très plaisant à faire en famille du côté de Saint-Élie-de-Caxton. On parle aussi d'une exposition qui se passe du côté de Saint-Élie, du côté du Garage de la culture. Donc, c'est une exposition dans les vieilles maisons. C'est fait de main de maître par des modélistes qui sont natifs de grand-mère. On parle de Robert Petit ici. Donc, il y a près d'une quarantaine des maisons québécoises miniatures qui sont exposées dans un décor qui est féerique. Mais tout ça se passe à l'intérieur d'une des maisons de Saint-Élie-de-Caxton. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que les gens du village mettent la main à la pâte pour justement faire vivre cette folie du temps des fêtes-là. C'est un petit peu ce qu'on veut dire aussi, c'est qu'on va rester, par exemple, ouvert en termes de magasins beaucoup plus longtemps parce qu'on va vouloir avoir le plus grand nombre de personnes qui vont connaître cette folie-là du temps des fêtes à Saint-Élie. Donc, les gens vont s'entraider et c'est ça qui est le fun dans un petit village comme Saint-Élie, c'est que souvent, on va associer le succès d'une petite ville ou le succès de quelqu'un qui vient d'un petit village avec tout le village. Et c'est ça qui est plaisant. Donc, justement, Saint-Élie-de-Caxton, c'est un petit peu pour vivre Noël autrement. On le sait, ici à Trois-Rivières, on a quand même plein d'activités qui sont très plaisantes les unes que les autres. On en a au centre-ville, on en a au sanctuaire. Mais de se déplacer dans un petit village qui incarne lui-même le temps des fêtes, c'est quelque chose qui peut très bien dépayser. Et c'est souvent ça qui va faire en sorte que ça va être ô combien plaisant. Donc, je vous parlais d'une promenade, en fait, d'une balade qui se passe en carriole. Je vous parlais aussi des petites maisons miniatures. Mais il y a aussi un souper-spectacle avec ou sans repas. Ça dépend, c'est comme vous voulez. Mais ça se passe du côté de la station touristique Floribelle. Donc, c'est une formule avec hébergement. Vous pouvez l'avoir avec déjeuner disponible aussi. Donc, c'est une expérience hors du commun, mais ça se passe du côté de Saint-Élie-de-Caxton, encore une fois. Et ça va tout simplement faire... perdurer? Ouais, oui, continuer. Ouais. Ouais, perdurer ou continuer votre folie, justement, du temps des fêtes dans ce petit village-là. Donc, vous allez être accompagné de certaines personnes aussi qui, eux aussi, ont décidé de faire la découverte de ce petit village-là à ce temps-ci de l'année. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est que la petite frénésie du temps des fêtes, elle part pas. Cette magie-là, elle reste dans le groupe qui décide tout simplement de continuer le souper-spectacle, qui décide de rester là aussi pour la nuit. Le lendemain, on se réveille, on est encore dans le même village où on s'est fait raconter des tonnes et des tonnes de contes et des balades la veille. Donc, c'est vraiment très, très plaisant. C'est très touristique, bien évidemment, parce que, bon, grâce à Fred Pellerin, maintenant, je pense qu'il y a des Français qui viennent à Saint-Élie-de-Caxton. Il y a des Québécois qui décident de sortir de la ville de Montréal pour venir un petit peu découvrir cette partie de la Mauricie. Donc, c'est différent, sauf que même si on est ici, pas très loin, mais parfois, on connaît pas super bien Saint-Élie-de-Caxton. On connaît pas non plus les légendes qui y vivent depuis des années. Alors, de pouvoir tout simplement se dire, je me donne une journée, je vais aller visiter Saint-Élie-de-Caxton, que ce soit entre amis ou que ce soit en famille, bien, ça peut justement égayer votre magie du temps des fêtes. Et là, bon, c'est sûr, on a une tempête de neige aujourd'hui, mais hier, c'était pas mal plus plus vert. Ouais. Donc, ça aurait pu, par exemple, vous mettre dans l'esprit des fêtes, vous préparer à tout ça. Et je tiens à vous le dire, je vais tenter l'expérience. Ah oui? Tu vas nous reparler. Et je vais évidemment vous en reparler. J'ai pas terminé de parler de Saint-Élie de Caxton parce que, vous savez, il y a comme une... Je ne veux pas dire une mode, mais il y a comme une popularité présentement de faire du camping d'hiver dans des petites... c'est pas des tentes, c'est pas des petits habitats. Disons ça comme ça, des petits habitats souvent faits de bois. Ça ressemble à du camping quand même assez hivernal. Eh bien, je vous parle d'un centre d'hébergement, d'expérience qui se retrouve du côté de Saint-Élie-de-Caxton et c'est le Rond-Coin. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, le Rond-Coin, ça se distingue bien évidemment par ses hébergements. C'est très, très original. C'est rond la plupart du temps. Tu sais, souvent, on va voir sur Internet les fameuses bulles en plein milieu de forêt où on peut voir le ciel étoilé avec la neige qui va tomber. Bien, c'est en plein ça, le Rond-Coin, en fait. Mais c'est ici, en Mauricie, donc c'est génial parce que la plupart du temps, oui, on aimerait ça le faire, mais on n'a pas nécessairement le temps de pouvoir partir 3 jours à l'autre bout ou on n'a pas nécessairement non plus le budget de pouvoir se payer 3 jours à l'autre bout. Donc, de le faire près de chez nous, bien, parfois, ça ouvre certaines possibilités. Donc, c'est une partie celle de terre qui est dite magique, qui est située à Saint-Élie-Caxton, dans le fameux village de Fred Pellerin, encore une fois, et ce même village où poussent des paparmanes dans les arbres. Donc, on garde cette espèce d'idée derrière tout ça, la légende, les contes. On a des traverses de lutins piétonnières lorsqu'on arrive au Rond-Coin. Donc, quand je vous disais que justement tout le village se met derrière une magie du temps des fêtes, et c'est justement ça. Ça va même jusque dans les centres d'hébergement. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler du Rond-Coin à l'émission de télé Saint-Élie de légende qui a été diffusée à Radio-Canada. Ça a été diffusé quand même sur, je pense, c'était 3 blocs qui a été fait. Ce sont 4 épisodes qui nous propulsaient justement en plein cœur de Saint-Élie-de-Caxton, qui nous racontaient un petit peu les légendes. Bien là, si vous avez entendu parler de ça à la télévision, vous voulez absolument l'essayer. Là, c'est un incontournable. Donc, vous pouvez très bien y aller. C'est des habitations hors du commun qui sont inspirées des nomades du monde entier. Donc, tout à l'heure, on parlait des petites bulles. On parlait des petites urnes. Oui? C'est ça, comme tupis, ce genre de choses-là. Donc, ce sont tous des habitations très différentes l'une de l'autre. Et je pense que ça vaut quand même assez le coup d'aller tout simplement visiter le site Internet du Rond-Coin pour voir si on peut tout simplement aller visiter parce que, selon les photos, c'est merveilleux. Donc, voilà, c'est Saint-Élie-de-Caxton. Je vous lançais comme ça parce que parfois, ça peut nous faire changer d'air, de tout simplement aller un petit peu plus loin que chez nous, de se trouver autre chose que d'aller, par exemple, à l'île Saint-Quentin ou de tout simplement décider d'aller à Shawinigan. Ce sont des endroits qu'on connaît quand même assez bien. Et là, on rentre vraiment dans un nouveau monde. On va rentrer dans une histoire. Comme je le disais, le village se partage à tout ça. Donc, c'est ça qui fait en sorte qu'il y a un bel esprit des fêtes, qu'il y a une magie aussi. Et c'est comme ça qu'on réussit à vous la transmettre. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller visiter Saint-Élie-de-Caxton, mais c'est pas très loin, on parle max, gros max, là. Une demi-heure. Oh, pas si pire, ça se fait bien, ça. Ça se fait très, très bien. Et c'est sûr qu'à ce temps-ci de l'année, avec une température comme ça, ça peut juste aider à la magie. Alors, c'est pourquoi j'ai décidé de vous offrir une petite chanson. C'est la version francophone, en fait, de Baby, It's Cold Outside. C'est par Otari, donc un groupe québécois. C'est Bébé, il fait frais dehors. Ah, bon, c'est... Vous êtes Assemblage Requis, c'est dans Tania. It's gonna entertain you. Je peux pas rester. Oui, mais bébé, il fait frais dehors. Faudrait que je m'en aille. Oui, mais là, bébé, il fait frais dehors. C'était une belle soirée. J'étais bien, bien content c'était que tu passes. C'était vraiment nice. Va prendre tes mains, sont comme de la glace. Ma mère va sûrement s'inquiéter. Ta mère, elle peut bien aller chier. Puis mon père risque de se fâcher. Il serait fier de mon feu de foyer. Faudrait vraiment que je parte tout de suite. Lâche ta sacoche, assis-toi. Je te prendrais peut-être un autre eggnog. Va mettre ma cassette de là. Le voisin nous regarde. Mais non, c'est ma crèche vivante. Qu'est-ce que t'as mis dans mon drink? Bébé, les métros passent plus. J'aimerais bien savoir. Ton père, c'est-tu un voleur? Comment dire non? Il a volé toutes les étoiles du ciel, puis il les a crissées dans tes yeux. Je devrais te dire non, monsieur. Ça te dérange si je me mets en bas? Ce sera pas faute d'avoir essayé. Y'a pas de poche, pas encore bandée. Je peux pas rester. Fais donc ce que tu veux, mais il fait frais. De... Ouais, mais là, il fait frais dehors. Je t'ai déjà dit non. Bébé, il fait vraiment frais dehors. C'était bien le fun de te voir. On s'est même pas mis tout nu. Mais là, t'es sous. Ben non, c'est toi qui me fais de l'effet. Ma soeur est à veille de me pêcher. Ta soeur est-tu plus jeune que toi? Mon frère est à veille de débarquer. Il va avoir de la misère à se parquer. Ma tante, je suis née en psycho. Penses-tu qu'elle a des bonnes pilules? Je te prendrais peut-être une crème de mort. Manges-tu les guirlandes en popcorn? Je rentre à la maison. Veux-tu vraiment te geler le cul? Me passes-tu ton corps? Mais pas bête, ça ferait-tu pareil? T'es un ben bon gars. Attends de me toucher ma graine. Mais tu comprends pas. Je viens de la passer au lavabo. Le monde va jaser dans notre le dos. Le monde jase déjà dans notre dos. Pour une fois, ce serait croustillant. Aide-moi à déplier le divan. Je peux pas rester. Tout nu sur le plancher parce qu'il fait frais. Oui, il fait frais dehors. Otari, bébé, il fait frais dehors. On sait pas si t'es consentant ou pas. On sait pas. C'est, écoute, c'est une histoire qui reste à découvrir. Ça fait froid, là. Otari, bébé, il fait froid dehors. Wow, quelle belle découverte. Autant que ta chronique sur... Ben, version Jackson. Québécoise et... Trash. Non censurée. C'est ça. The baby, it's cold outside. Magnifique. Merci, Tania. Fait plaisir. On fait Tania Esgalette tous les matins à Assemblage Requis. On prend une pause dans une demi-heure environ. Ça va être Dominique Note Mavungu avec sa chronique Voix d'Afrique. Mais après la pause, on va aller magasiner. Ouh là là! Avec Saint-Smith, ça ne répond là. La deuxième heure d'Assemblage Requis en ce mardi 12 décembre 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. 12-12-17. Je l'ai dit tantôt, ça va être Voix d'Afrique avec Dominique Note Mavungu. Avant ça, on va faire du sexe, mais ça ne devrait pas là. On va s'acheter des gadgets sur Internet et c'est parfait parce que Noël s'en vient. Et si on paye sur shipping rapide, ça devrait arriver avant Noël. Mais avant ça, on s'écoute une pièce classique des Palmarès qu'elle me manque tellement. C'est celle de Nicolet. Voici la mystification. Oui. Hein? Oui, vous allez l'entendre, vous allez faire comme « Ah oui, c'est vrai, c'était bon quand il jouait ça tout le temps au début de la session. » l'imitation de Nicolet, oui, qu'on ramène comme ça du fond du tiroir. C'est l'hiver, on l'a dit, hein? Les décorations, elles vont pas durer longtemps, je pense, avec la tempête aujourd'hui. Eh ben, non, je penserais pas. Ça n'a pas debout longtemps, ça. Mais justement, peut-être qu'on va devoir aller en acheter d'autres, hein, parce que les autres vont être partis au vent. Hein. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. Là. Mais ça ne devrait pas. Là où on achète des gadgets sur Internet et on le regrette instantanément. Commençons par un genre d'iPad. Ça s'appelle le Joy. Okay. C'est comme un genre d'iPad, mais qui fait juste afficher des photos. Ah? T'sais, c'est un album photo intelligent. Donc, c'est comme une tablette, ouais, mais pas vraiment. C'est là pour organiser seulement vos photos. Ça dit être créé par d'anciens ingénieurs de chez Apple et Sonos, là, les barres de son. Pour commencer, ben, c'est ça. C'est une tablette, mais c'est pas vraiment une tablette. Hein? Fait que, ça sert à c'est quoi? Une tablette, mais pas une tablette. Ben, tu vas pas sur Internet, tu vas pas sur Facebook, tu vas pas faire de traitement de texte, tu vas absolument pas jouer à aucun jeu. Donc, à quoi est-ce que ça sert? Ben, c'est ça. Ça existe, ouais, ça de répondre là. Et ça coûte quand même, ça a ramassé, pour commencer, ça a ramassé beaucoup d'argent. 9,5 millions en sous-financement. Quand même. Si c'était un prix raisonnable, peut-être que comme cadre numérique, ça pourrait être cool, mais non, ouais, ça coûte 500 $ US. Non, non, non, non, non. Hein? Et, hey, wow, un iPad, c'est pas mal moins cher que ça. On va faire du scrapbooking, hein, là. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Hein? Ensuite, c'est cher! Ça n'a aucun sens. Je comprends pas l'idée derrière moi ça. Moi non plus. Comment quelqu'un peut penser que ça va se vendre? Mais ils ont réussi à ramasser de l'argent. Fait. Ensuite, tu sais, quand tu manges du pain, oui, c'est bon. T'aimes c'est ça qu'il soit excellent. Chaud. Ben ouais. T'aimerais pouvoir le garder au chaud sur ta table. Oui, ben oui. C'est une petite couverture à pain, mais qui ressemble à un panier en osier. Oh, c'est cute! Bread Warming Blanket. Donc, c'est une petite couverture avec donc un oreiller qui est réchauffé dans le micro-ondes pendant une minute. Ah. Bon, on y va par tranche d'une minute. Là. Et après ça, on place ça dans la couverture avec le pain ou les petits pains, comment on appelle ça, les genres de muffins de pain, là, comment on appelle ça? Les muffins pains, de pain. Tu sais, les petits pains, là, les petits pains chauds. Les petits pains pommes? Ouais, genre. Genre. Bref. t'emballes ça et puis tu sors ça sur la table et puis c'est super bon et chaud. Hein? Mm-hmm. Magnifique. C'est fabriqué à Brooklyn et c'est disponible sur Amazon. Ensuite de ça, on a un bol pour servir le popcorn, mais le bol qui va trier le popcorn versus les petits grains pas pétés. Oh mon Dieu, on aime ça! Quelle bonne idée! Donc, il y a vraiment un filtre, un peu comme un filtre de douche pour amasser les poêles. C'est pareil. Sauf que la place, c'est un filtre pour amasser les grains de popcorn. Ça s'appelle le Kernel Filtering Popcorn Bowl de Catherine Smith à Portland, en Oregon. Elle qui travaille la céramique. Donc, c'est un bol en céramique avec un dessous en genre de tamis qui va filtrer mm-hmm. les grains de popcorn. Quelle bonne idée! Encore une fois, c'est aussi sur Amazon. Ensuite de ça, on a le Power Strip Moduler. Je trouve ça vraiment cool comme idée. Très versatile. Pour commencer, ça a, quand tu regardes la photo, ça n'a pas l'air super original. Mais donc, c'est tu peux brancher plusieurs modules à l'intérieur de ça. Donc, c'est comme c'est une prise que tu branches. Ouais. Et puis après ta prise, tu as plusieurs prises qui servent à d'autres affaires. Ah, OK. Tu pourrais brancher un routeur Wi-Fi, tu pourrais brancher une batterie externe, je sais pas, une télécommande, il y a des ports USB, il y a des lumières LED. Donc, c'est la même... c'est fait pour brancher plusieurs fils dessus. Mm. Vraiment cool. Bref, Power Strip Moduler. Allez voir ça. C'est très mal expliqué, mais c'est sur Indiegogo. Vous pouvez aller voir la petite vidéo de démonstration qui vous permet de faire plein de choses en même temps, cette affaire-là. Ben, ensuite... la prochaine, c'est une version en tasse de ce qu'on a déjà mentionné à l'émission dans cette chronique-ci. Tu te rappelles de la Amber Mug? Oui. C'était une tasse de voyage qui pouvait te garder ton café à la bonne température. Mm-hmm. Tu tordais, je crois que c'est le dessous de la, je pense que ouais, du truc. Puis bon, tu disais le nombre de degrés que tu voulais. Mais maintenant, ils font en tasse normale en céramique. Oh là là! Vraiment bien. Donc, contrairement à n'importe quel autre truc pour réchauffer votre café, vous allez devoir, je sais pas, des fois ça va être trop chaud, des fois ça va être trop froid, mm-hmm. hein? Des fois ça va être long à réchauffer. Donc, il y a un thermostat ajustable pour avoir exactement la bonne température. Il y a une lumière personnalisable LED qui est faite pour choisir la température parfaite de votre boisson. Il y a aussi un sous-verre, une genre de soucoupe à charger qui est disponible pour ceux qui veulent utiliser leur tasse Amber à plusieurs endroits. Donc, c'est vraiment une tasse en céramique dans ce cas-ci. Et les sous-verres sont... tu peux en mettre dans plusieurs pièces puis déposer ta tasse dessus. Cool, hein? Très cool. Ensuite, Pour ceux qui aiment les vieilles télé, le look des vieilles télé, tu sais, avec les coins ronds, là. Mm-hmm. Les coins ronds, c'est bien à la mode en ce moment. la télé, rétro télé Avia, essaie de nous ramener dans les années 60. Moins la mauvaise qualité d'image, parce que seulement le design est rétro, le reste est à jour dans le présent d'aujourd'hui. C'est même, tu peux afficher l'heure, puis les jours, les dates, etc., etc. Puis c'est super beau. Hein? Ça coûte quand même... Est-ce qu'il y a le prix dessus? Il n'y a pas le prix, hein? Ben là... Il n'y a pas le prix. Attends, je vais cliquer sur la source pour avoir le prix. Je veux l'avoir, le prix. C'est apparemment seulement un concept. On peut même pas se le procurer. Ah. Wow. C'est triste un peu? Un petit peu triste. Ensuite, une compagnie qui envoie du charbon pour Noël. Ah! Quelqu'un qui était méchant cette année. Ça s'appelle Let's Call. Pour le bas prix de 20$, ils vont vous envoyer un beau petit bout de charbon 100% naturel, sans agents de conservation ou couleurs artificielles. Donc, que du charbon bien normal. Le site, au départ, c'était une blague. Maintenant, ils offrent ça pour vrai. Okay. Et les fonds vont aller au Natural Resources Defense Council. Donc, pas si mal pour un cadeau qui pourrait être une bonne blague. Continuons avec des touches de clavier Fidget Spinner. Pas besoin de te rappeler que le Fidget Spinner, c'est bien à la mode en ce moment. Eh boy, hein? Mais des fois, tu vois pas de quoi tu parles. Tu te dis, bon, ben, j'ai garé mon Fidget Spinner. Tu l'as laissé dans une autre pièce, tu l'as laissé au travail, t'es chez vous. Bon, ben, il faut remplacer une touche de ton clavier par un Fidget Spinner. Donc, la personne remplace la touche, je sais pas si ici c'est, mettons, le bouton Eject ou Escape ou peu importe. Et ben c'est ça, c'est un bouchon, un capuchon de clavier, une touche de clavier. C'est disponible chez Mass Drop, c'est compatible avec les claviers Cherry MX et leurs clones. Il y en a beaucoup qui ressemblent à ça. 20$ et 2$ de plus pour ceux qui ont de la peinture dessus, c'est ça? Splatter Paint Ones, ouais, je crois qu'ils sont peinturés différemment. Ça va être envoyé en février 2018. Vous pouvez aller voir les photos sur assemblagerequipe.com et une vidéo de démonstration. Donc, quand vous jouez à un jeu stressant, vous êtes en train de stresser pour vos examens ou en train d'étudier, peu importe, maintenant, vous allez pouvoir faire spinner votre fidget spinner sur votre clavier. Ensuite, une chandelle qui sent l'espace. Qui sent l'espace. Qui sent l'espace. Je sais pas ce que ça sent l'espace. Hein? Ben, je sais pas, moi non plus. Il me semble que ça sent vide. C'est bizarre. Je sais pas. Bref, c'est une chandelle de soya qui est faite pour sentir l'espace. Il donne pas de description à savoir comment ça sent l'espace, mais apparemment que ça peut, je sais pas, odeur métallique. Mm-hmm. Ouais, odeur métallique, odeur de quand tu soudes quelque chose. Apparemment que ça sent ça. C'est bon. Ensuite, tiens, une machine à laver dans la poche. Sonic Soak, un appareil de nettoyage par ultrason. Je peux s'emporter partout. Il permet de nettoyer non seulement du linge sale, mais aussi des objets du quotidien, même les fruits et légumes. Sonic Soak, donc, une machine à laver de poche fabriquée dans un acier inoxydable de qualité médicale et antibactérien. L'appareil qui tient dans la main émet des ultrasons parvenant à désintégrer la saleté et les bactéries à un niveau microscopique, dit-il. Il est possible de s'en servir comme jet pour le linge sale, des tissus délicats, des objets du quotidien comme des lunettes, des accessoires d'hygiène, des jouets, des bijoux, des ustensiles de cuisine, des fruits et légumes. Donc, il faut plonger le Sonic Soak dans un récipient rempli d'eau, mettre ce qu'on veut nettoyer et brancher l'appareil. Les ultrasons produisent un effet de cavitation qui crée des bulles microscopiques à haute pression, lesquelles vont frapper la surface à nettoyer et exploser, détruisant au passage la saleté, les huiles et la crasse. Les concepteurs mettent également en avant le côté écologique de leur appareil qui, selon eux, consomme moins d'énergie et d'eau qu'une machine à laver classique, respectivement moins de 10 et 2 %. La vidéo démonstration suggère que le Sonic Soak ne permet pas de laver de gros volumes en une seule session. Le constructeur recommande de ne pas dépasser les 1,8 kg par lavage et d'éviter les jeans et les draps. Ça commence à faire pas mal hein? De contraintes. Donc, vous n'allez pas remplacer votre machine à laver par un Sonic Soak de sitôt. Le concept a séduit, par contre. Le projet a réussi à récolter plus de 730 000 $US sur Indiegogo. Quand même. Ça serait vendu au final au coût de 250 $US. Le constructeur annonce que la production a été lancée et que les premières commandes seront honorées à partir du mois prochain. Donc, on parle du mois de... Où est la date de l'article? On met plus les dates sur les articles, c'est plus à la mode, ça? Mais non. Ah, voyons. OK, oui. Donc, au mois de décembre, on parle de ce mois-ci. Ensuite, on parle de mains augmentées. On a déjà parlé de se rajouter un doigt dans cette chronique-ci. Ici, on se rajoute une main. En fait, on se rajoute deux mains. Placé côte à côte, contrôlé par votre index et votre majeur via des sensors. Donc, c'est vraiment pour avoir l'air du Terminator. C'est un gadget que tu t'installes après la main avec, j'imagine, une bande velcro. Et t'as des sensors sur les doigts à insérer. Et puis après ça, ben, t'as deux mains robots qui sortent de ta main. C'est menaçant. C'est, ouais, c'est ça, c'est futuriste. Futuriste, ouais, je sais pas ce que tu pourrais faire avec deux. Dans le fond. Ne sais pas non plus, parle tout. Ta main en tant que telle à la base sert à manipuler les deux autres mains. Donc est-ce que tu peux faire quelque chose avec ta première main? Peut-être. Peut-être. Peut-être. Je sais pas. Sur la vidéo, on le voit fermer et ouvrir la main, mais on le voit pas faire rien. Ouais, donc, c'est bouger. Ça. Il fait pas grand chose. Fait absolument rien. Tout ça pour 3130$, Kenneth. Ensuite de ça, c'est l'hiver et toi tu cherches à patiner un petit peu en ce moment. Oui. Est-ce que tu fais du snow? Est-ce que tu fais du... Pas encore. Je vais essayer d'y travailler cet hiver. Mais tu préfères du snow de genoux? Du snow de genoux? Du genou-snou? Du genou-snou? Donc ça s'appelle les sled legs. C'est des sleds, hein, comme on appelle. Crazy carpet. Ouais, c'est ça. Si on veut des crazy carpet, mais qu'on met après ses jambes. Okay. Ça te permet de descendre sur les genoux et ensuite te lever et recourir pour monter jusqu'en haut. Oh. Sans t'en faire avec ça. Super simple. Sled legs. Moi, je connaissais pas ça. Peut-être que c'est super connu. Écoute, je connais pas plus ça, mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Apparemment, c'est bien confortable avec une mousse qui absorbe les chocs à l'extérieur pour protéger vos genoux. Et ça vient en deux formats pour les adultes et pour les enfants. Mais on veut savoir combien? Sur Amazon, présentement, .com, on les retrouve pour $50 US environ. Ah, c'est bien. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Ensuite, le couch coaster. On dit l'ultime rack à verre pour votre divan. Tu sais, les racks à verre pour le divan, pour les accoudoirs. C'est ça. Souvent, c'est comme une planche de bois. Des fois, tu peux avoir quelque chose qui tient plus ou moins. C'est supposé plus tenir. Plus ou moins, mais, oui. Mais tu t'enferges dedans. Puis bon. Ici, c'était en silicone. Et ça embrasse la forme de votre divan, étant donné que c'est flexible. Hein? Ça va vraiment comme... Il y a un poids dedans. Et ça va vraiment comme tenir sur le bord de ton divan, peu importe comment il est fait. Donc, c'est en silicone avec une base... une base un petit peu collante, là, je sais pas, ça dit tacky base. Donc j'imagine qu'il y a aussi un poids, parce que sinon ce serait pas assez d'être un petit peu collant. C'est pour mettre votre verre, votre boisson, peu importe. Ça fonctionne avec les grosses tasses, les petites tasses, les verres de party. Et il y a même un adaptateur ajustable pour que ce soit vraiment très très serré pour tenir votre bouteille ou votre canette. Ça peut aussi être un stand pour votre téléphone cellulaire, sinon pour la télécommande, pour même des graines de tournesol, je sais pas, peu importe. Des pistaches, hein? Et en plus, ben, c'est quand même cute, je trouve, moi. Ouais, quand même. C'est pas laid, au moins. On parle de magasinage en général. On dit qu'il y a plus de la moitié des Québécois qui achètent sur le web magazine sur Amazon en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui chialent contre Amazon, étant donné que peut-être que ça empêche les commerces québécois de faire autant d'argent qu'ils pourraient. Mais bon. On dit que plus de 60% des Québécois auraient effectué des achats sur le web au cours des 12 derniers mois, selon un récent sondage effectué par le groupe Altus pour le Conseil québécois du commerce de détail. Parmi ceux-ci, plus de la moitié des gens, 55%, auraient acheté sur Amazon et un Québécois sur 5 aurait fait des achats sur un site Internet d'un détaillant présent au Canada. Outre ces deux catégories, les Québécois magasinent également sur Kijiji à 30%, eBay à 27%, je vous le recommande pas, j'ai essayé tellement longtemps que j'ai haï ça, un site internet d'un détaillant présent ailleurs dans le monde à 25% et ou iTunes à 21%. Alors que 62% des répondants affirment posséder un téléphone intelligent, 41% d'entre eux ont effectué des achats avec leur appareil dans la dernière année. On dit que les Québécois âgés de 18 à 34 ans sont beaucoup plus nombreux à utiliser leur appareil intelligent que les autres générations pour effectuer des achats. Et finalement, plus d'un Québécois sur 5 est abonné à une des plateformes sociales de l'un ou plusieurs détaillants. Ils sont davantage à suivre les détaillants sur Facebook que sur les autres médias sociaux. Tout ça est très logique. Très logique. Ça fait bien du sens, ouais. En fait. Justement, dans le même domaine, les opérations bancaires en ligne gagnent du terrain au Québec. Oh! Les opérations bancaires en ligne gagnent du terrain. Donc, selon les données de l'enquête Net Tendance 2017 du CFRIO, cette année, 74% des adultes québécois ont effectué ce type d'opération au cours du mois précédent l'enquête, comparativement à 65% en 2016, ce qui représente une augmentation de 9 points. Cette hausse est encore plus marquée chez les adultes de 25 à 34 ans, 96% versus 84% l'année dernière. Groupe d'âge utilisant le plus Internet pour faire ces opérations bancaires. Les plus jeunes, donc les 18-24 ans, sont plus friands des modes de paiement comme la solution Flash, de Interac ou le paiement mobile via des applications comme Apple Pay ou Android Pay. 17% des adultes québécois seraient intéressés à faire affaire avec une institution financière sans réseau de succursale, à la Tangerine, qui pourrait les assister à distance par téléphone ou par Internet. 60% des détenteurs de téléphones intelligents utilisent leur appareil pour accéder à leur compte bancaire. C'est significativement plus élevé chez les 18-34 ans et les 25-34 ans à 81 et 72% respectivement. Ce dernier segment de la population utilise aussi plus fréquemment le dépôt mobile avec photo, qu'on adore tant, en utilisant l'application développée par les institutions, donc 28%, alors que la proportion est de 19% chez l'ensemble des détenteurs de téléphones intelligents. Parmi les répondants qui ont magasiné une assurance auto ou habitation au cours des 12 derniers mois, 37% ont fait affaire, l'ont fait sur Internet, oui, et 25% des internautes estiment être très habiles pour faire l'acquisition de produits ou services financiers en ligne. Depuis, l'enquête démontre que plus de la majorité des adultes québécois, on parle de 53%, parmi ceux qui ont fait une soumission, ont utilisé un site Internet qui permet de comparer les prix de différents assureurs. Le reste des détails sur le sondage sont sur assemblagerequis.com. Et ça me tente de terminer avec une anecdote. Ben, vas-y donc. Tu sais, depuis quelques temps, je te parle de magasiner sur Amazon.com ouais. et de le faire livrer au Canada. Oui, mais je fais pas ça. Non, je sais, je sais. Mais je te disais que ça se faisait. Mettons oui. qu'un article n'est pas sur Amazon.ca, tu veux te l'acheter quand même, ben, tu peux aller sur Amazon.com, le faire livrer par des sites comme Shipito okay. et Borderlinks. Hier, j'ai essayé Shipito. Oui. Je dois dire que l'expérience ne va pas plus tant que ça. Oh non! Ouais, en fait, ils nous vendent ça comme étant genre une façon d'économiser sur le shipping et de ouais. rendre ça facile. Donc, c'est pas ça partout. Ben, pas vraiment. Donc, pour commencer, je suis allé sur Amazon.com, j'ai mis mon produit dans le panier, j'ai entré l'adresse que Shipito m'a donnée, donc une adresse dans le Nevada, je pense, quelque chose comme ça. Et là, ça disait que ça avait été livré okay. aux États-Unis, dans leur entrepôt. Et là, je suis allé sur le site de Shipito, il n'y avait aucune mention de ça. Fait que là, j'ai mis mon numéro de commande, de tracking sur de Amazon. Je l'ai copié-collé sur le site de Shipito. Ça dit « OK, parfait, ton paquet est en route. » Je leur ai écrit sur le chat pour leur demander « Ben là, est-ce que je suis supposé faire autre chose? » Ils disent « Non, non, ça va se faire tout seul. » Ouais, mais ça apparaissait pas sur le site. Fait que là, je vais cliquer pour me le faire envoyer au Canada. Ouais. Et là, ça me proposait de l'envoyer par FedEx, DHL, à 60$. Ah non! 50$ de shipping. L'article vaut 10$, OK? OK. OK. Fait que bref, là, j'ai écrit sur le chat, qu'est-ce qui se passe avec le shipping? Il n'y a pas de Poste Canada là-dedans? Non, non, non, il n'y a pas de Poste Canada. Tu peux prendre le service postal américain à genre 25-30$, ou sinon, te le faire livrer par avion à 5$. Sauf que ça peut prendre jusqu'à 90 jours. Ah! Tu sais, mettons que je m'attendais pas vraiment à ça. Ben non, je te comprends. Je m'attendais à ce qu'une fois rendu à l'entrepôt, ben, il l'envoie par Poste Canada, puis ça me coûte le prix que ça m'aurait coûté ben le ouais. shipping normalement. Peut-être les pas douanes. Sûr, hein? Je m'attendais aux douanes. Mais là, maintenant que c'est envoyé par avion, je me demande si je vais pas en plus être chargé pour les douanes. Ça m'a coûté 11$ canadiens pour l'envoyer des États-Unis à chez nous par la poste aérienne en 90 jours. Ouais. En plus du shipping d'Amazon qui m'a coûté comme une dizaine de dollars canadiens, plus le produit coûte 10$ US, donc sûrement une douzaine, quinzaine de dollars. Fait que là, je m'en sors pas genre en bas de comme probablement 30-35$. Non, c'est ça. C'est complètement ridicule. Donc, Shipito, je ne recommanderais pas ça. Même si, en plus, non seulement ça, mais j'ai même pas de tracking parce que c'est... quand tu le prends à 5$ avec l'avion, c'est pas de tracking. C'est vrai. Fait que je suis perdant de tous les bords. Donc, la prochaine fois, je vais essayer Borderlinks. B-O-R-D-E-R-L-I-N-X. Parce que lui, on nous dit qu'on peut magasiner, se faire envoyer ça et savourer le produit avec des prix très, très peu chers. Donc, ça dit cheap rates. Ils disent qu'ils travaillent toute la journée pour garantir les meilleurs prix de livraison. Mm-hmm. Ça dit que c'est fiable et rapide. Et ça dit que c'est... ben, c'est ça. Dans le fond, qu'il n'y a que des avantages et que même que les douanes sont payées à l'avance avec Borderlinks. OK. Il y a même un calculateur de prix pour le shipping. Tu sais, à l'avance. Ouais. Et tu peux économiser sur ton shipping si tu envoies plusieurs produits en même temps dans une même boîte. Donc... je sais pas, mais j'ai l'impression que Borderlinks va être mieux. Ce sera ma prochaine anecdote. Parce mais là, que je commande, est-ce que t'as comme abandonné ton colis? J'ai demandé à la fille sur le chat si je pouvais abandonner. Si, mettons, je voulais le retourner à Amazon, qu'est-ce que je faisais? Elle m'a dit, ben, tu peux le faire soit en imprimant une étiquette de retour chez Amazon ou en changeant l'adresse d'envoi pour, à la place de mettre ton adresse à toi, tu mets l'adresse d'Amazon dedans. Okay. Sauf qu'il aurait fallu que je l'envoie par FedEx sans ben oui. standard. Ce qui m'aurait évidemment. Coûté probablement genre 20-25$. Sinon, j'aurais pu faire l'étiquette d'Amazon, comme je disais, pour leur renvoyer par la méthode par défaut là, de renvoi de retour à l'envoyeur. Il fallait que je paye le shipping de retour qui coûtait environ 5$ US. Okay. Pour un produit à 10$ US, j'aurais été vraiment perdant. Mais là, vraiment? Ça aurait fait que je me serais fait rembourser comme 4$. Ouais. Fait que j'ai dit non, merci, je vais prendre le 4$ de shipping par avion, puis je l'aurai quand je l'aurai. Ah, pas le choix. On veut savoir qu'est-ce que t'avais commandé aussi. Ouais, c'est ça. C'est vrai. J'imagine. Je vous ai au courant aussitôt que je commande autre chose. C'est-tu mon cadeau de Noël? C'est ça, c'est ça. Amazon.com, faites attention, magasinez sur le.ca en premier lieu. Ouais. Cherchez sur tous les sites canadiens possibles. Et en dernier recours, allez-y sur Amazon.com. OK. Avec cette méthode-là, Chipito, là. C'est pas la meilleure. Pas Chipito. Leur slogan, t'es cool, là, commandez n'importe quoi, and we'll ship it to ya. We'll ship it to ya. Tu sais, ça, c'était écœurant. Hein? C'est peut-être pour ça que je les ai choisis. C'est clairement pour ça que tu les as choisis. J'aurais sérieusement dû me fier sur le look de Borderlinks parce que leur site est pas mal plus beau. J'aurais dû faire ça. Chipito, ça ressemble. Je pense que ça a un lien avec eBay, je pense. Tu penses? Je me suis pas renseigné trop. Je voulais juste, de toute façon, pas vous le recommander. Fait pourquoi est-ce que je ferais des recherches de plus pour pas vous le recommander? Hein? Voilà, pour 5, 6, ça ne devrait pas. Là, les liens sont dans les notes de l'émission 1171 sur assemblagerequis.com. On prend une pause. Au retour, Dominique Notte-Mavungu est avec nous déjà en studio. Salut Dominique. Salut Mathieu, salut Tania. Bon matin. Oui, ça va et vous? Très bien. Ben oui. Qu'est-ce qui s'en vient dans ta chronique Voix d'Afrique? Bon, on va parler un peu de sport, un peu aussi un peu de musique. Mm-hmm. Donc, je vais te donner un peu ma playlist un peu que j'ai constituée pour qui arrive pour les congés, là, pour ma playlist de fêtes que j'écoute souvent en ce moment aussi. Et puis aussi parler un peu de manga africain aussi. Cool! Vraiment intéressant. T'as rien commandé sur Amazon.afrique? C'est quoi l'extension en Afrique? Bon, là, il n'y en a pas, mais il y a des sites similaires qui s'appelle Jumia. Ok. C'est un site similaire un peu à Amazon, mais c'est pas. Est-ce que t'as commandé de là-bas pour ici? Est-ce qu'on peut commander de là-bas? Ouais. On peut pas le faire. Qu'est-ce que tu fais quand tu veux te faire livrer quelque chose? Mais là, il y a d'autres services. Bon, tu utilises soit la poste. Ou bien soit généralement, bon, nous ce qu'on fait, si on attend généralement qu'on a peut-être une personne de notre pays qui vient ici, donc elle nous apporte. C'est vrai qu'on n'en peut pas avoir. C'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est un peu plus compliqué dans ce sens. Eh ben. Bref, on prend une pause. Au retour, Voix d'Afrique, restez là. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage de qui? Oui. Assemblage de qui? Toujours dans l'émission matinale Assemblage requis sur les ondes de Cifou 89.1 FM, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Bonin. Ok, oui. Mais on n'est pas seul, Mathieu. Non, on n'est pas seul, absolument pas. Non, comme non, à chaque semaine, on a Dominique Notte-Mavungu avec sa chronique Voix d'Afrique. Cette chanson-là s'est mise à jouer à la chasse-galerie la semaine passée. C'est vrai. Et on s'est dit, c'est la chanson de Voix d'Afrique. On a pensé à toi. C'est ça, mais non, c'est plutôt Voix d'Afrique que la chanson Africa exactement, de Toto. C'est ça, parce exactement. Que je trouve ça drôle puis que personne ne m'a offert une autre chanson. On va la garder. Donc, Dominique, notre Mavungu, qui vient nous parler d'actualité africaine. Tu nous as dit qu'on allait parler de plein de sujets, de sport, de manga, de musique. Par quoi est-ce qu'on commence? Bon, là, on allait commencer un peu par un réveil sportif. Mm-hmm. Commence un peu par parler des sports de soccer, de football. Oui, le vrai football. Le vrai football, ouais, le vrai football. Chaque fois, j'essaie de préciser. Donc, parler du footballeur gabonais qui s'appelle Pierre-Emerick Aubameyang, qui, à l'heure de son dernier match, est devenu le meilleur buteur de l'histoire, le meilleur buteur africain de l'histoire du championnat d'Allemagne en Bundesliga. Il a devancé aussi un ancien international africain, un Nigérian, qui évoluait à Francfort aussi. Il s'appelle Anthony Yeboah. Et c'est Aubameyang, c'est un joueur qui est reconnaissable facilement aussi déjà de par son style, de par sa coupe de cheveux. Ah oui, pour vrai, c'est quoi, elle est assez originale, c'est comme une sorte de dôme, c'est ça, une petite pointe. C'est ça, une petite crête. Une crête, oui, voilà, une crête tendance. Avec des fois des couleurs et tout, et puis par son style aussi vestimentaire aussi qui est assez coloré et tout. Donc beaucoup de paillettes, beaucoup de strass aussi dans ses vêtements et tout. Et puis aussi de par aussi c'est son talent de footballeur aussi, parce que c'est quand même. J'espère que c'est principalement ça. Ouais, c'est ça exactement. On l'aime pour ses cheveux. Ce serait malaisant. Non, c'est principalement ça, mais aussi bon, il a d'autres aussi caractéristiques qui plaisent un peu au public. Et puis c'est un joueur aussi qui est particulièrement rapide, comme c'est dans le jeu vidéo, tu sais, FIFA 18, ouais. Il fait partie des joueurs les plus rapides du jeu aussi. Et donc tout. À choisir, c'est quoi son nom, tu dis? Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang, c'est le frère de Barack, Aubameyang. donc pour les, ouais, excuse-moi, Tania. J'ai rien à dire à ça, là, c'était tellement mauvais. Je sais. Donc à choisir dans FIFA. Bon, c'est bon, il joue à Dortmund dans l'équipe de Dortmund. Donc le jeu FIFA 18 ou bien les autres FIFA, il est dans cette équipe, ça fait au moins 3 ou 4 saisons. Cool. Donc il a aussi été classé 21e joueur sur 30 dans le top 30 du Ballon d'Or international aussi. Mm-hmm. Donc c'est le premier africain aussi, il vient en tête de ça. Et le deuxième, c'est au 23e rang, qui s'appelle Sadio Mané. C'est un joueur sénégalais. Et à noter que Mohamed Salah, qui est en ce moment un joueur égyptien, qui est meilleur buteur de Premier League, championnat d'Angleterre, ne figure pas lui dans le classement, en fait. Ah ouais. Alors que ouais, c'est quand même un peu dans le top 30, ouais. C'est quand même un peu bizarre, alors qu'en ce moment, il effectue de bonnes performances. Mais bon, selon les jurys, il n'a pas eu sa place dans le classement. Mais c'est sûr que l'année prochaine, avec ce qu'il est en train de faire en ce moment, il aura une place certaine dans le classement de l'année. Du jury, donc c'est sûrement subjectif, ça dépend vraiment des ententes. C'est ça, parce que le jury qui décerne cette distinction-là, il fonctionne selon certains critères et tout, comme celui qui a remporté un peu les titres et tout. Donc, quel joueur en club a remporté peut-être plus de trophées avec son équipe, ou bien des distinctions un peu personnelles, ouais. Comme le petit des meilleurs buteurs ou des titres comme ça, en fait. Donc, pour avoir une chance de remporter c'est la distinction, il faut avoir en tout cas un pilier des titres quand même. Oui, c'est ça. Et bon. Faut se démarquer le plus qu'une façon. Ouais, le plus d'une façon. Et puis bon, à noter aussi que sur les 5 dernières années, c'est vraiment les mêmes 10 dernières années, c'est deux joueurs en tout cas qui s'échangent tout le temps le ballon d'or. Donc Messi et ce qu'il fait avec le soccer finalement, c'est renvoyer le ballon pour vrai. Ben ouais. C'est qui ça là est à peu. Donc c'est ces deux-là, Messi et Cristiano Ronaldo, qui se passent le ballon d'or. Et, en tout cas, ça fait au moins 10 ans, donc c'est un peu... si t'es né dans cette génération de joueurs... C'est lui qui l'a eu cette année aussi. Encore, hein, je pense que c'est ça. Encore. Évidemment. Ouais. Donc ça devient un peu pour les autres joueurs un peu du déjà vu. Redondant peut-être, ouais, c'est ça. C'est comme on a compris le message. Ouais, c'est ça, exactement. Oh, oui, il est bon, ça va. Il y en a juste deux, là. Donc c'est ça, et puis bon... Donc voilà, mon second sujet, c'était de parler un peu des mangas. Oui, oui. Voilà, des mangas, parce que donc, j'ai fait un peu quelques recherches sur Internet et puis j'ai découvert qu'il y avait des mangas même africains, en fait. Mm-hmm. Bon, en fait, il n'y en a pas tant que ça, mais il y a un jeu nigérien qui s'appelle No Blagen. Il a fait un manga qui s'appelle Un rêve de footballeur africain. Okay. Donc, en fait, dans son manga, ça retrace un peu l'histoire d'un jeune qui abandonne les études pour et souhaite se lancer dans une carrière de soccer, tu vois, parce que bon, la jeunesse africaine, on est beaucoup aussi inspiré par les joueurs de foot et tout, tu vois, donc de par leur vie, de par aussi, ils gagnent quand même bien leur vie, faut pas se mentir et tout, donc ça incite en tout cas une grande partie de la jeunesse aussi à vouloir faire comme eux et tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur même des 10 000 jeunes, il y en a peut-être 10 ou 20 qui vont passer pro. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Donc il y a beaucoup aussi qui abandonnent aussi leurs études et qui se lancent corps et âme dedans. Mais s'il n'y a pas vraiment de garantie que ça puisse être... Non, faut vraiment que tu aies beaucoup de talent. Ouais, c'est ça. En tout cas, franchement, beaucoup de talent, parce que déjà aussi au niveau... Mais s'il y a un peu de chance aussi quand même, parce que... Tu te faire remarquer par la bonne personne au bon moment. C'est ça, au bon moment, en fait. Sinon là, ça serait un peu dommage, quoi. Donc donc la BD elle parle un peu de ça. Bon, j'ai vu un peu quelques plans sur internet et tout, mais c'était quand même bien dessiné et tout. Et puis la culture même manga commence à être quand même assez présente, mais plus en Afrique du Nord, les pays du Maghreb et tout. comme étant en Algérie, où ils ont un premier, le seul café, je pense d'ailleurs, même de mangaka et tout, c'est où les fans de manga se réunissent. Mmh. Mais c'est des mangas algériens en fait, donc c'est des planches, okay, qui sont dessinées style japonais, mais c'est en arabe et tout, et puis je pense que c'est fait par des Algériens aussi. Mmh. Donc aussi au Maroc aussi ils ont un grand festival aussi de mangaka, mais là c'est tous les mangas en fait de peut-être du Japon, un peu des autres pays et tout. Et puis donc là, je trouve que c'est quand même aussi un peu étonnant et tout, parce que normalement la culture manga c'est très présente aussi en Afrique et tout, parce mm-hmm. que notamment, comme je vous disais, on avait des chaînes qui diffusaient uniquement que ça, ouais, et ouais, tout, et aussi avec Cartoon Network aussi, donc on est quand même assez habitué à regarder des mangas et tout chez les gens chez nous en Afrique, donc c'était comme... Bah après c'est peut-être le savoir-faire, genre la manière et tout, la technique de les dessiner qui était un peu... qui reste un peu approximatif, mais sinon moi j'avais des amis et tout qui dessinaient vraiment, qui commençaient déjà à faire leur propre BD et tout, qui dessinaient vraiment bien, au stylo en plus, qui réussissaient à faire des traits, ombrages, oui, des ombrages et tout, des traits vraiment qui ressemblaient vraiment à des mangas style, et tout, avec le style même japonais et tout, donc ça correspondait vraiment bien et tout, et donc là, ce jeune-là, il a fait ça, mais ça, c'est par contre, ça fait au moins, je pense, 2 ans qu'il a fait sortir. Ça date de 2015, en fait. Okay. L'article que j'ai lu sur lui, ça datait de 2015, mais je sais pas, là, j'essaie de fouiller un peu. La BD, elle est existante, mais je sais pas si elle a perduré dans le temps. C'est-à-dire s'il a. Ah ouais, si une réédition, ouais, si on a continué de l'imprimer. S'il a continué de l'imprimer ou bien, ouais, s'il a continué de faire sortir, parce qu'elle était vendue aussi, principalement aussi sur le continent, principalement au Niger, parce que c'est un Nigérien. Mm-hmm. Donc après, je sais pas si ça a réussi à prendre de l'ampleur, surtout le continent, pour que ça se diffuse aussi facilement, mm-hmm, aussi. Donc il n'y a pas comme un Amazon où on, ouais, peut commander. Ouais, c'est ça. C'est un peu commander en ligne pour pouvoir avoir ça et tout. Donc c'était un peu... là, je sais pas s'il a arrêté, mais quand je suis tombé dessus, ça m'a vraiment intéressé. Moi-même, je pense que je vais peut-être prendre des cours de manga aussi. Ah, c'est le fun, ça. Ouais. Alors, je dirais que je me demande, la pointe de gens qui aiment les mangas et la pointe de gens qui aiment le soccer ou les sports, est-ce qu'il y a un gros chevauchement entre les deux pour faire des mangas sur les sports? Il me semble que c'est peut-être pointu. Est-ce qu'on aurait besoin de manga plus style japonais, parce que c'est ce que les gens veulent dans un manga, il me semble. C'est ça. J'avance le point. Non, mais après... Peut-être plus style japonais, mais tu peux te servir du style et puis comment ils dessinent et puis adapter en fonction de tes propres héros, de tes propres... C'est vrai, il y a ça aussi. Tu vois, donc il faut juste... Moi, je pense qu'il faut apprendre, du moment que tu connais la technique, tu pourras l'adapter. Il faut apprendre la technique. J'ai vu qu'il y a une école à Montréal, une école de manga à Montréal, en fait. Ah ouais. Où on peut s'inscrire, comme la session, elle est comme... Là, j'avais vu, c'était comme 240 pièces pour une session de... Bon, là, je sais pas combien de temps, mais ça doit durer au moins 4 ou 6 mois. Mm-hmm. Et ils t'apprennent les techniques pour pouvoir dessiner tes propres mangas et tout. Et puis, ils fournissent aussi le matériel et tout. Ah, pour que, ouais, tu puisses... Très cool. Ouais, on s'attend à ce que tu le fasses maintenant. On va en parler. T'as plus le choix. Chronique manga l'année prochaine. Exactement. Chaque semaine, ça a été calme. Non, c'est ça. Non, j'y pense à m'inscrire à ce cours-là. Et puis, voilà, peut-être que je vais le faire. Hein. Et voir ce que ça donne. En plus, j'ai toujours voulu. Pourquoi pas, ouais. Ouais, pourquoi pas. Donc, je vais essayer ça. Et... Donc, ça, c'était... Mais aussi, tu sais, la culture, la culture manga, elle est très présente, mais dessins animés même aussi en général et tout. Mm-hmm. Donc, les cartoons aussi sont assez présents aussi. Mm-hmm. Il y a beaucoup de cartoons aussi, en tout cas, africains aussi. Ok. Donc, il y a beaucoup de par exemple, Sekema et tout, c'est des cartoons un peu animés. Ils sont sur YouTube ou bien sur Facebook, tu peux voir, c'est des mini-séries de genre 1 minute, hein, fait comme des blagues. Ouais. De 1 ou 2 minutes, ça dure pas vraiment, mais c'est vraiment aussi bien réalisé. Et puis des fois, c'est traduit aussi en langue locale et tout. Donc, donc les populations là-bas, elles se réfèrent plus vite. Mm-hmm. Puisque c'est traduit par même des. Si ça doit être divisé au Sénégal, c'est genre peut-être des Sénégalais qui vont faire leur bande et tout. Des fans. C'est ça, en fait. Mais ces gens, c'est des animations en 2D et tout. Donc c'est assez simple à réaliser et tout, et puis le message passe bien. Généralement, ils utilisent ça pour des blagues et tout, genre des trucs un peu comiques. Donc ils utilisent ce style de dessin-là pour relater ça, en tout cas. Cool, donc, c'est ça. Donc ça c'était Sekema. C'est le nom de la bande dessinée. Donc voilà, ensuite j'ai parlé un peu de musique et tout, de ma playlist. en tout cas, je constitue un peu comme là, les fêtes, elles avancent. Et puis, on avance aussi aux fins d'année. Donc, voilà quelques artistes qui m'ont marqué et tout, gens que j'ai découverts. Donc j'ai commencé par Toxa. C'est le son s'appelle Underground 2. Ça c'est un son de rap en fait. C'est Jean Toxa, c'est un artiste burkinabé en fait qui fait du rap et puis c'est son style. Moi j'ai bien aimé parce que il est un peu terre à terre quoi. Donc par exemple dans son clip là, genre il joue le rôle d'un vendeur de poissons en fait. Okay. Tu vois, il est comme un vendeur ambulant et tout, il est comme dans un coin de poissons là, il dit qu'il veut faire du rap et que qu'il pense qu'il va percer et tout. Et donc le clip même ça se déroule là en fait. C'est un freestyle et tout. Mais moi j'ai vraiment aimé le concept parce que c'est pas commun quoi. Ouais. De quelle chanson ça? Il s'appelle Toxa Underground, mais je pense pas qu'il est sur YouTube en fait. C'est sur Facebook, je l'ai vu en fait. Okay. Et Toxa, c'est T-O-K-S-A. Donc c'est ça c'est son Facebook et tout. Donc son style en tout cas, je l'ai connu en cette année même 2017 sur un premier freestyle justement et tout. Et puis toujours dans le style des clips et tout, c'était vraiment très simple quoi. Mm-hmm. Donc il y avait pas de paraître ou quoi, c'était vraiment... Du terre-terre comme, tu sais, monsieur tout le monde, quoi. Il faisait genre sur un terrain de basket avec genre, c'est juste un pote et peut-être des enfants du quartier ouais. qui passaient tout. Ça donnait à être là. Ouais. C'est ça. Hey, les enfants, on aurait besoin de figurants. donc, c'est ça. Mais on commence à prendre un peu de l'ampleur, quoi. Au Burkina, les gens commencent un peu à le connaître. Bon, à part ça, bon, moi, je connaissais quelques rappeurs burkinabés, ça faisait bon. Mais c'était il y a longtemps quand même quoi. Mais de nos jours, dans notre nouvelle génération et tout, j'en connaissais pas vraiment et tout. Et bon, lui, je le suis quand même. Et puis même lors d'un dernier événement RFI qui a eu au Burkina aussi, il était invité à presser là-bas et tout. Et ouais, il a livré une bonne performance que j'ai aimé. Et puis il y a aussi, c'est 8 Guns. 8 Guns, lui, c'est un jeune rappeur ivoirien. Lui, mm-hmm. il vit aux États-Unis et tout. Et puis, il a une musique aussi assez spéciale. Il adapte aussi ses paroles un peu à la situation de son pays et tout. Donc, c'est beaucoup des réalités que peut-être les gens connaissent là-bas, tu vois. Et c'est cette nouvelle vague de rap que je remarque qu'il y a de plus en plus. Et les gens, avant, ils faisaient peut-être ils faisaient de la musique, mais ils parlaient pas de réalité, peut-être de leur pays, en fait, tu vois. Peut-être parler d'une réalité française, genre d'armes à feu ou américaine. Alors que, tu sais, c'est faux. C'est pas quoi. Ça qu'il y a là-bas. C'est pas ça qu'il y a là-bas, tu vois. Donc, le public aussi n'adhérait pas forcément. Parce que ça faisait poseur un petit peu. C'est ça. Quelqu'un d'autre. C'est ça, en fait. Donc là, je remarque que la nouvelle génération ira plus. De leur réalité en fait, il y aura plus des choses que toutes les personnes, gens vont se retrouver dedans et tout, et puis c'est ça qui fait que le public a commencé à adhérer à ça en fait. Et Jean 8 Guns, il a justement fait une mixtape il y a pas longtemps qui s'appelait entre parenthèses, et moi j'ai bien aimé ses clips et tout, genre son style, il est un peu différent, ça sonne un peu différent de ce qu'on on entend un peu, donc il utilise un peu des sonorités un peu américaines et tout dans sa musique et tout. Donc, et puis c'est assez créatif quoi. Et genre, il varie un peu les sonorités, tout ce qu'on n'a pas l'habitude forcément d'entendre dans un style de rap et tout. Et puis tout en parlant de chansons relatives à son pays quoi, la réalité. Tu sais, il y a certains titres, par exemple, la mixtape s'appelait entre parenthèses, il y a un titre qui s'appelait c'est Tisserand et tout. Tu vois, il parlait un peu des artisans qui sont. Tu sais, les tisserands, c'est des artisans qui sont peut-être. En Côte d'Ivoire, ils sont plus situés au nord. Il travaille un peu le tissu genre et tout, et puis d'où le nom tisserand justement, il tisse juste des nattes et puis des décorations et tout. Donc le titre, il porte ça, il y a plusieurs titres de sa musique qui portent même des noms de villes et tout, tu vois. Donc je trouve que c'est bien de faire aussi la promotion de la culture au travers de la musique, du rap aussi. Et puis voilà, une autre aussi, elle c'est une Congolaise de Brazzaville. Elle s'appelle Titi Lux. Et elle a un style un peu comme afro-trap et tout. Donc, mais là, elle a fait dernièrement sorti un son qui s'appelle Tous Ensemble. Et moi, j'ai bien aimé le son parce que c'est un message un peu de paix qu'elle lance un peu dans le son et tout. Et puis, là, c'est son 4e son et tout. Ça fait pas trop longtemps qu'elle rappe. Elle aussi, je l'ai connue en 2017 et tout. Mais voilà, j'ai trouvé son style aussi assez différent. Et puis, dans le rap congolais, j'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup de rappeuses en tout cas. Ouais. Donc, elle est un peu comme l'exception à ça. Et puis, elle fait une belle musique aussi. Donc c'est, il y a un public en tout cas qui commence à se créer tout ça. Et puis bon, mais elle, je l'ai découvert sur les comptes communautaires. Il y avait un compte communautaire qui s'appelle Mboka 242-243, genre M-B-O-K-A 242-243. C'est genre comme le compte communautaire pour les deux Congo. Okay. C'est okay, un peu comme 819 ou 514, ouais, comme régional de la place. C'est ça en fait. Donc j'en suis comme sur le Snapchat. Genre c'est que des personnes du pays en tout cas qui prennent le Snapchat genre pour je sais pas pour une durée de temps et puis qui présentent un peu ce qu'ils ont à faire et tout. Ah. C'est ça, donc c'est ça le principe de compte communautaire et tout. Donc c'est fun, ça. Ouais, c'est vraiment plaisant. C'est ça, donc ben il y en a un peu de tous les pays et tout, hein. Y en a, et après maintenant bon, le concept maintenant il a été repris, donc il y a plusieurs comptes communautaires de plusieurs pays en fait. Donc genre, et puis après il y a d'autres aussi d'autres comptes communautaires, mais ils peuvent sur la cuisine aussi, tu vois, mettons. Donc ils font passer plusieurs guests, ils appellent ça des guests, donc la personne qui prend le compte pendant la durée, elle est appelée un guest, et puis c'est elle qui va présenter un peu, tu sais, pendant le laps de temps, un peu soit peut-être les plats, ou soit un peu, soit genre faire visiter sa ville et tout. Il y a d'ailleurs eu genre, tu sais, Trois-Rivières aussi, elle est... Ah, pour vrai? Ouais, elle est dedans, il y a, je crois, 2 semaines sur le compte de la Côte d'Ivoire, c'est un étudiant de l'UQTR. Ah ouais? Ah ouais, je savais pas. Ouais, il a présenté un peu le compte, ça s'appelle Babi 225. Ok. C'est le nom du compte, je crois c'est B-A-B-I, bon du coup 2-I-2-2-5 sur Snapchat et tout. Et puis à chaque jour, c'est des jeunes Ivoiriens qui viennent parler un peu de là où ils sont, quoi. Donc ils sont pas forcément en Côte d'Ivoire, même partout dans le monde. Et puis ils font visiter la ville à d'autres qui ne connaissent pas. Donc ça leur permet de voir et puis bon, ils échangent aussi de cette manière et tout. Donc c'est un bon moyen pour rapprocher un peu les personnes qui sont dans différents coins en fait. Ouais, très bien. Donc c'est ça. Puis bon voilà, un troisième rappeur et qui sera le dernier, je vais choisir Tris. Ouais, il y en avait 4-5, hein. Je vais choisir Tris, ou c'est un rappeur gabonais en tout cas, lui aussi j'ai connu cette année. Que j'ai trouvé que ouais, il était assez bon, et puis il rappait aussi en langue locale. Okay. Bon, je sais pas c'est quoi la langue, mais c'est au Gabon en tout cas, et il a l'air d'avoir la cote là-bas et tout. Bon, là je commençais un peu à m'intéresser à sa musique, et puis j'ai trouvé que c'était assez voilà, authentique, parce qu'il encore là, tu vois, le style a vraiment changé, parce que tu sais il rappe aussi par rapport aux réalités aussi des gens, et puis des choses que les gens du pays connaissent. Mmh. Et donc, ça fait qu'ils se sentent un peu plus proches, tu vois, vu qu'ils chantent une réalité qu'eux aussi décrivent et tout, tu vois. Par exemple, dans un des clips, pas de Tris, mais de 8 Guns, ça s'appelle Monnaie, il parle du problème de change, en fait, qu'il y a en Côte d'Ivoire et tout. C'est, mettons, tu sais, ici au Québec, genre, mettons, si tu donnes un billet de 20, tu vas acheter, même si tu donnes un billet de 100, tu vas acheter quelque chose de 10, ils vont toujours te remettre du change, tu sais, il y a toujours du change. Mais en Afrique, dans la majeure partie des pays, c'est pas le cas en fait. Il y a toujours des problèmes de change. Donc, par exemple, si tu veux prendre un transport le matin, tu es mieux d'avoir la monnaie, c'est-à-dire le montant exact en fait. Sinon, ils vont te dire non, là j'ai pas la monnaie C'est ça, ouais. Donc, mettons que tu donnes un truc, genre une pièce de peut-être de 500 et tout, que peut-être le transport coûte 200, ça peut arriver que si ça à une certaine heure, il peut te dire non, là j'ai pas la monnaie, alors que toi t'es pressé. Ouais, c'est ça. Donc là, et pour chercher la monnaie, faut aller je sais pas où, toi tu dois, donc tu es obligé, des fois tu es obligé de laisser. Tu laisses la moitié de ton épicerie là-bas, finalement. donc, dans une de ses chansons, il chante un peu par rapport à ça, tu vois, que la chanson s'appelle, le titre de la chanson c'est Monnaie. Donc ça s'appelle 8 Guns, Monnaie, feat. Didi B, et puis Shadow Chris. Donc c'est un parfait exemple même de ces rappeurs qui chantent un peu les réalités de leur pays en tout cas. Donc ce sont de belles voix d'Afrique en tout cas à écouter. Ah, hein, tu nous en as tellement mentionné des chansons que là, on va y aller avec du 8 Guns. Hein? W-I-D-G-U-N-Z. J'ai tout ça devant moi, je te remercie. Dominique Nodmavungu. On se retrouve la semaine prochaine. Pour une autre chronique, dernière semaine de la saison, la semaine prochaine, si tu veux être là, si tu es disponible. Non, je serai là pour les publics. Ben oui. Ce sera mardi à 8h30. Notre public t'aime, il t'acclame. Oui, tellement. Les estrades sont pleines. Sont pleines en ce moment. Surtout aujourd'hui. Ouh. tout de suite. Ok. Ah, Assemblage Requis, c'est bien ça. Hein? Yes. Abidjan, Côte d'Ivoire, Africa. Get it. Pourquoi tu es fâché? Tu veux ton argent? Ce n'est pas par là. Faut pas te fâcher. J'ai plus de 10 000. Je cherche à casser. Dans l'après-midi, il faut repasser. Parce que Tanji de peine n'a pas monnaie. Garde le cabine n'a pas monnaie. Tanji de peine n'a pas monnaie. Le boutique n'a pas monnaie. N'a pas monnaie. Tanji de peine n'a pas monnaie. Ah, connard se connaît. Ah, connard se connaît. Mon mango, faut te calmer à cause de baisse. Tu veux venir me laler à cause de pièces. Mais je t'ai dit, je vais te donner non. T'as moins d'abonnés que d'abonnement. C'est à la rivière à Bonoumain. Ici on d'abord plein condiment. Ou bien à Tchèque et à Beaudiamant. Reçois de la force abondamment. Donc tu ferais mieux d'abandonner. Je suis le contenu, t'es le contenant. On est les meilleurs du continent. Depuis longtemps jusqu'à maintenant. Donc ils essaient de se maintenir. On est trop loin, on les voit venir. Hey, on veut les mettre sur Madela. Harry Penney sur Mandela. On te voit plus à la télé. Comme les gars de Bella Bella. Tout va être isoué. Bella Bella Bella. Bagage faut pousser comme Bella Bella Bella. Elle veut qu'on a qu'à se marier. Que je l'emmène à la mairie. Je viens de Côte d'Ivoire mais souvent je suis en Amérique. Souvent je suis en Amérique. Souvent je suis en Amérique. Oh, tu montes, fais atterrir. Tu montes, fais atterrir. Oh, mon gars, mais qu'est-ce que tu dis? Tu sais compter, tu dis. Mardi et mercredi, mon phone est déchargé, plus de batterie. Oh, j'ai un Z et Didi. Ou Yeezy et Kid Cudi. On est chaud comme un midi. La poussière de ta meuf remplie de bactéries. Pourquoi tu es fâché? Tu veux ton argent? Ce n'est pas par là. Faut pas te fâcher. J'ai plus de 10 000. Je cherche à casser. Dans l'après-midi, il faut repasser. Parce que Tanji de peine n'a pas monnaie. Garde le cabine n'a pas monnaie. Tanji de peine n'a pas monnaie. Le boutique n'a pas monnaie. N'a pas monnaie. Tanji de peine n'a pas monnaie. Ah, connard se connaît. Ah, connard se connaît. Viens dans le 13 et le paradé. Moi j'avais l'issue sur la malade. Par le mal, on va te faire rapper. SPS des bâtardes. Le rap il va me faire pleurer. Traîne avec le poste de Bolloré. Moussonia n'a mon Nicorola. Maman y'a tes dents sont colorées. L'homme te parle de Limangelo. Demande à moi j'appelle. Je coupe si tu m'appelles oh. Y'a Moudele, y'a Moutala. Quand je vois vos rappeurs à la télé, je change de chaîne. Oui, je préfère regarder TG. Moja, Feli. C'est maintenant que je sors du studio. Tu viens m'encaisser comme un petit idiot. Tu prends crédit, tu meurs. Tu ne prends pas, tu mourras. Tu veux mon hume, demande ça au père Foura. Moja, pourquoi tu t'énerves? Tu veux ton argent? Ce n'est pas par là. Faut pas te fâcher. J'ai carte de crédit. Ma banque est fermée. Si t'es trop fâché, va dire à ton papa, on voit ce qu'il va faire. Parce que moi j'avais n'a pas monnaie. Tati y'a pas monnaie. Ton papa même n'a pas monnaie. Tout le monde n'a pas monnaie. Tout le monde n'a pas monnaie. Tout le monde n'a pas monnaie. Saura jamais ce qui s'est passé dans mon putain de porte de monnaie. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui. Vous êtes assez fou. Pour plus d'informations, visitez sifou.ca. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Troisième heure d'Assemblage requis en ce mardi matin 12 décembre 2017. Et Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans cette troisième heure, on va avoir Marc-Olivier Dumas dans une demi-heure environ pour sa chronique sportive Sport et Filoché. J'ai bien hâte parce qu'on parle bien évidemment de sport olympique, oui. Vu les Jeux olympiques qui arrivent dans pas long. Toutes les sortes de ski, une après l'autre. Il y en a pas mal la température pour en discuter. Hein, ouais, ski, ça devrait ski, bien aller. Ça, bien. Mais on a passé au travers du ski, rappelle-toi. C'est fini le ski? C'est, ben, en théorie. Bon. On a fait toutes les disciplines de ski. Ouais. Qu'est-ce qui reste après jusqu'à ça? Jusqu'à la semaine dernière. Mm-hmm. On a parlé de biathlon et de triathlon, ouais, ça se peut dire? Sur le genre. Puis on a parlé aussi de snowboard la semaine dernière. Donc, c'est en théorie, prêt. Les sports de glisse, c'est fini. C'est fini. C'est okay. Fini. Bon. Donc, ça, c'est dans une demi-heure environ. Avant ça, on va voir Jimmy Thibodeau qui devrait s'en venir dans quelques instants pour Gauche Herbievu. On parle de trucs de la gauche. Ce gars-là est de la gauche. Et il parle contre la gauche. Ben, en fait, il réfute certains propos de la gauche. C'est pas mal ça, finalement. Ouais. Tout en restant à gauche. C'est ça, exactement. C'est dans il quelques minutes. Il s'y met pas à dos trop. Non. Jimmy Thibodeau. Mais avant ça, en musique, on s'en va entendre. C'est l'ancien numéro 1 des palmarès. OK, oui. Anglophone. C'est par Dyslexic Postcards. C'est donc Call Me Babe. Assemblage requis sur C'est fou. Donc, Call Me Babe par Dyslexic Postcards à Assemblage Requis. On était en train de parler du fameux jeu. Le jeu. Ouais, mais les deux en studio, Jimmy Thibodeau et Tania Baudin, ne connaissaient pas le jeu. Non. Pas du tout. Connaissais pas ça. Gagnant du jeu, en fait. Comment, excuse? C'est pour ça qu'on était des gagnants du jeu, en fait. Oui, exactement. C'est ça. Non, parce que mon collègue de co-animation de la Ligue d'impro, la Luitre, a laissé son pad dans mon panier. Puis on est venu se faire filmer ce matin par des jeunes communication. Puis il y avait mon pad avec le symbole du jeu, là, qui est comme genre le al dente. C'est ça. Ben, la stratégie, en fait, c'est de faire penser à quelqu'un au jeu. C'est ça. Fait qu'automatiquement, il te le fait penser. Fait que t'as perdu. Ouais, mais j'ai toujours été un grand perdant. Mais non, t'es notre grand gagnant, Mathieu. Merci, ça a l'air vraiment vrai, dit comme ça. J'ai parlé de Jimmy Thibodeau. Oui. Jimmy, qui est là pour sa chronique Gauchère Bévue. Ben bonjour. Ben bon bonjour, matin. Ça va? Ça va très bien, merci. Il n'y a pas d'intro, le gars. Fait gauchère, gauchère, droite, droite, haut, bas. C'est parti, là. Donc, on parle des mythes de la gauche, en fait, des choses oui. que la gauche dit, mais qui ne sont pas nécessairement tout à fait véridiques. Critique gauchiste de trucs qui d'idées qui sont véhiculées dans la gauche que j'aime pas. De la part d'un c'est gars ça. Qui est lui-même de la gauche. C'est ça, exactement. Voilà. Donc voilà, une critique que j'espère constructive, n'est-ce pas? Ben tout à fait. À chaque fois, toujours nuancé. On dit nos chroniqueurs sont toujours nuancés. On espère, voilà. Donc, oui, aujourd'hui, on parle de censure des personnalités publiques. Okay. Oh! Que oui. Mike Ward et... Guy Dantel. Ça, c'est un sujet intéressant, mais pas pour aujourd'hui. Mais pas pour aujourd'hui. Ça se fera pas là, là. Ça se fera pas là, là. Mais c'est un sujet très intéressant, oui. par contre. Dans quelle mesure on peut rire de certaines choses? Dans quelle mesure il faut s'auto-censurer sur certains sujets? C'est clairement quelque chose que j'aimerais, ouais. Où j'aimerais retourner éventuellement. Mais c'est plus, là, c'est vraiment plus précis aujourd'hui. C'est vraiment... la censure au niveau des personnalités publiques qui ont fait des méfaits. Okay. Là, je pense ici à Eric Salvaille, par exemple. Si lui qui a fait de l'inconduite sexuelle, là, il s'est exhibé, il a fait du harcèlement. Jimmy, littéralement, en ouvrant sa veste, Jimmy. Ouais, c'est ça. T'as dit Eric Salvaille, t'as ouvert ta veste. Non, mais... mais vous le saviez quand même qu'Eric Salvaille a vraiment carrément montré son appareil devant des employés, c'est ses ça? Ses attributs voilà. masculins. Donc sans la veste, il y a quand même... Non, mais tu te dénudes peu à peu par ouais, contre. Ouais, c'est ça. Là, il a enlevé sa veste, son manteau. Ça me rend mal à l'aise. Ah, c'est pour ça. Écoute. Je tiens à dire que Jimmy, ça fait tout le temps un plan avant de venir à l'émission. Pendant qu'il est mais en studio. Mais chaque fois que je regarde le plan... On comprend absolument rien. Ben, ça ressemble un peu à une signature. C'est comme des lignes. Ouais. C'est beau de même. Ouais. C'est merveilleux. C'est de l'art. Ouais. Ben, merci. Ça me fait beaucoup plaisir. C'est, Donc, ben oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Mais j'ai juste enlevé ma veste. Je ne ferai rien de plus, n'est-ce pas? OK, merci. Oui. Alors, Éric Salvaille, c'est ça, lui, pour l'inconduite sexuelle, il a été, avec raison, là, on l'a enlevé de l'espace public. Ouais. On lui a enlevé ses shows de TV. Donc, de radio, ses livres. C'est ça, il n'y a plus de tribune. Puis un autre truc aussi, c'est que... notre champion frère. Okay, il n'y a plus de tribune. Et aussi, il a perdu... en fait, il vend ses compagnies maintenant. Il veut transférer tout ça. Il doit se faire racheter par... par d'autres compagnies. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il a gardé certaines affaires, dont les recettes pompettes, ça lui appartient encore, il me semble. Ça, c'est intéressant, je n'avais pas suivi au complet. Et l'émission a été vendue en France et il y a une deuxième saison qui s'en vient, donc il continue de faire de l'argent quand même. Ouais. Oui, si mais il reste bien. Le producteur. C'est ça, exactement. Mm-hmm. Ouais, à quelle mesure, c'est ça, on a encore le droit de faire de l'argent avec ça? Ben, c'est bon. Faut juste pas qu'on le voit. Ouais. C'est ça. C'est quand même une question aussi intéressante que malheureusement, je ne regarderai pas non plus ce matin. Mais donc, c'est ça. Il y a l'Éric Salvaille, puis la vraie question derrière tout ça, en fait, c'est dans quelle mesure, là, il faut retirer de l'espace public les œuvres de personnalités publiques qui ont fait des méfaits. Est-ce que tu as le droit de regarder quand même un show d'humour de Louis C.K. en ce moment, mettons? C'est ça. Est-ce que tu as le droit de regarder, de même aimer, d'apprécier les choses ou est-ce qu'on devrait te les retirer et les bannir et que tu n'aies même plus accès à aucun de ces produits-là nulle part? Voilà, donc d'où l'idée de censure. En même temps, c'est pas parce que tu je suis dans l'une, je m'excuse les gars, je vous regarde pas partout, mais c'est pas parce que... On le voit ce matin que t'es dans l'une parce que tu parles des affaires qui sont pas en nombre comme les écritures de Dieu. Ouais, c'est ça. ce que je voulais dire, c'est que il faut pas non plus oublier que c'est pas parce qu'il y a un méfait qui a été fait que la personne n'a pas de talent. Ça, c'est sûr. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Je veux dire... pour l'affaire Weinstein, ben, tu sais, les films sont bons pareil. Il y a un talent pour produire, tu sais, on peut pas lui enlever ça. C'est comment il les a fait, peut-être l'exploitation exactement. Des gens qui l'ont fait. C'est ça. Ben, c'est super intéressant ce que vous dites là. C'est des bonnes pistes pour ben, après la chronique déjà qu'on a envoyé. Mais c'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. Ça. Non, vous êtes pile dedans. Vous êtes pile dedans cette fois-ci. Ok, merveilleux, merveilleux. Parce qu'à date, il élimine toutes les affaires qu'on veut. Oui, non, c'est ça. Wow, j'ai éliminé les trucs comme Mike Ward. J'ai éliminé comment on fait de l'argent avec tout ça. Si on a le droit de faire de l'argent avec... ça, même si on a fait un méfait. Bon, ils vont en faire de l'argent avec tout ouais, ça. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Donc voilà, vous êtes vraiment pile poil sur le sujet. Est-ce qu'on devrait censurer les œuvres dans la percée, dans l'espace public? Mais non, des idées de la gauche qui reviennent souvent, c'est bien évidemment, il faut les retirer de l'espace public parce qu'il ne faut pas les glorifier. Puis il faut les retirer, c'est tout ce qu'ils méritent. Puis c'est comme teinté, c'est les œuvres aussi. Donc on devrait juste plus y toucher. Même qu'il y en a qui disent qu'il ne faudrait pas dire leur nom. Des fois, les tueurs, des fois, ou les fusillades, on dit bon, on ne devrait pas dire le nom de la personne qui a commis ça. C'est une forme de justice qui est comme imaginée dans ce cas-ci par respect aux victimes, etc. Il y a plein de raisons. Quand même, c'est bonne, là. Ça, c'est sûr. Mais par contre, moi, mon point, c'est que c'est pas si simple que ça, évidemment. Ouais, c'est sûr. Oui, parce que particulièrement moi, dans mon cas, je suis assez bien placé pour mettre des doutes à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que j'étudie en philosophie. Un autre de même. C'est ça. Tu fais du fun là-dedans. Ben, c'est que le nombre de philosophes qui sont dans ce truc-là, puis qui sont vraiment pas nets, là, ça commence dès l'Antiquité. Il y a des Grecs, là. Si tu prends Aristote et Platon, Platon avait des esclaves, lui. Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec les enseignements de Platon? Parce que, dans le fond, Platon, c'est un mot du esclavagiste. Puis, qu'est-ce qu'on ferait? Puis, il y a le débat, entre autres, aux États-Unis, si on enlève, on retire toutes les... ben, pas retirer toutes, là, mais... La question est complexe, mais... au sud des États-Unis, il y a le truc des monuments pour en l'honneur des sudistes. Là. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui ont été faits dans les années 1900, puis il y a beaucoup de trucs qui ont été faits à cause de motifs haineux, puis que c'est bon d'en enlever. Ça, c'est sûr que c'est une question vraiment très, très épineuse, mais quand même, c'est juste un exemple pour montrer que, oui, il y a des trucs comme les sudistes qu'on aimerait quand même... on aimerait ne pas en parler trop. Ouais. Donc c'est puis pourtant des gens comme Platon, eux ont été esclavagistes vraiment puis machistes, ils ont eu plein d'affaires là. Ouais. Tout ce que vous voulez, name it. Tu vois ça m'amène à une branche de ça. Je le prendrai pas en note, là, je vais le dire tout de suite. Mais c'est drôle parce que t'en parles aujourd'hui et c'est là que ça vient de se passer, le truc avec Keaton, le jeune adolescent qui a été intimidé, qui pleurait, filmé, tout ça, et plein de vedettes lui disent « Bon, ben tu sais, je veux que tu viennes assister au tournage de mon film, je veux que tu viennes voir un match de sport. » Et puis là, dans les dernières heures, on a appris sur la page Facebook de sa mère qu'elle est ultra, ultra raciste, ultra genre confédération et justement sudiste. Et que le jeune, présumément, selon les articles, les rumeurs disent que le garçon arrêtait pas de traiter les Noirs par le mot en haine et que c'est pour ça qu'il s'est fait intimider. Fait que là, tout le monde retire! On retire les invitations, puis on dit « Ok, cette cause-là, je veux plus l'encourager. Sa page GoFundMe pour amasser de l'argent pour lui... » C'est effacé. En tout cas, selon les derniers articles et les rumeurs, mais donc c'est du jour au lendemain, on l'encourage puis on pleure pour lui. C'est tellement rapide de poster quelque chose que t'as pas les deux côtés de la médaille. C'est ça, et tu veux étudier un petit peu le sujet. Exactement. Et quand tu vois le revers de la médaille de pourquoi il se faisait intimider, peut-être sa famille au complet. Ça vient pas excuser l'intimidation. Non. Mais il y a une raison pour laquelle il pleure dans la voiture. C'est ça. T'sais. Présumément. C'est intéressant dans le sens où le lien avec mon sujet, c'est clairement que il y a comme une cause qui a valu la peine d'être défendue, c'est-à-dire l'intimidation. Ouais. Mais dès qu'on voit les raisons derrière, puis dès qu'on voit la personnalité derrière, on recule, puis on veut plus vraiment aller dans ce terrain-là. Et que peut-être que lui-même faisait de l'intimidation. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est sûr s'il a été raciste et tout, la nature de l'intimidation change, puis c'est sûr que c'est pas ça a plus la même valeur qu'avant. Mais il y a des cas beaucoup plus clairs, comme ça, c'était Platon qui était des esclavagistes, mais encore bien plus funny que ça. Il y a eu entre les deux, il y a eu plein d'antisémites. Voltaire était contre les Juifs, mais 100 000 à l'heure. Là, après, t'as Heidegger qui était pas juste antisémite, il était un nazi. Ça, j'adore dire qu'Heidegger est un nazi. Oui, Heidegger est un nazi, je le répète. C'est dit. Au cas où il y a des gens dans la philosophie qui écoutent ça en ce moment, Heidegger est un nazi. Des jeunes naïfs. Oui, c'est ça. Ils se font pas tout dire la vérité par le professeur. En philosophie, il y a beaucoup de gens qui défendent Heidegger, mais j'adore répéter que Heidegger est un nazi. Ouais, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Donc, c'était non seulement un nazi, mais en plus, il a dirigé une université pendant le Troisième Reich. Il a brûlé des livres, il a participé à des autodafés, il a banni des juifs de la bibliothèque, il a fait des speeches pro-Hitler, puis il a fait des livres avec des idées antisémites dedans, mais qui n'ont jamais été publiés aussi. Mais il a été membre aussi du parti nazi très très longtemps. Puis il s'est jamais excusé aussi de tout ce qu'il a fait, même après la Deuxième Guerre. Puis tu avais tous les philosophes français qui étaient à sa défense, puis disaient puis qu'il fallait le dénazifier. Là. Et pourtant, un des philosophes qui avait les mains les plus sales, j'imagine, à cette époque-là. Donc voilà, on a des gens comme Heidegger, par exemple, mais est-ce qu'on veut arrêter d'enseigner Heidegger? C'est là où je m'en vais, en fait. Est-ce qu'on veut arrêter d'enseigner Heidegger parce que c'était un nazi, là, genre, si vous voulez quelque chose de evil, il n'y a pas pire que Heidegger. C'est vraiment comme... Mais fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on le censure? Mais c'est sûr, la réponse évidente, ben non, en fait, là, il faut utiliser sa philosophie pour les cours de philosophie et tout. Mm-hmm. Moi, je suis en désaccord parce que je trouve que c'est de la bullshit, ça, sa philosophie, mais ça, c'est une question. Oui. Mais bref, ça, c'est une question. Puis il y a des exemples contemporains aussi aujourd'hui de ça. Mais il y a aussi, entre autres, un professeur d'éthique aux États-Unis qui s'est fait pincer pour des histoires d'agression sexuelle. Mm-hmm. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis en plus, c'est un prof d'éthique assez influent, là. Est-ce qu'on arrête d'enseigner ses cours? Est-ce qu'on arrête d'enseigner aussi sa matière dans des cours d'éthique? En tout cas, on peut enseigner l'ironie dans ses prochains cours. Il y a beaucoup de profs d'éthique qui ont fait des trucs croches, j'ai l'impression. C'est pas parce que t'es étudiant en éthique que t'es nécessairement meilleur. Non, c'est ça. Non, mon Dieu. Non. Puis il y a la question qui se pose. Il y a des profs qui ont été interviewés là-dessus. Ils ont dit... ouais, ben nous autres, c'est important pour notre cours, fait qu'on l'enseigne le moins possible, mais on l'enseigne quand même. Il y en a qui disent non, moi je m'en passe complètement, je passe par d'autres philosophes. Fait que la question est vraiment très très difficile. Là. C'est pas aussi facile qu'avec le cas Éric Salvay, l'enlève, on le raye de la map. Mais dans le fond, la question est pas si simple que ça. Un autre exemple, John Searle, qui est un philosophe contemporain extrêmement influent, qui était impéglé pour encore des trucs d'inconduite sexuelle, il a carrément demandé... attribuer des faveurs académiques à des étudiantes en échange de faveurs sexuelles. Évidemment. Ouais. Un classique de film, ça. Ben, est-ce qu'il est déclaré coupable? Il est en procès en ce moment, mais on ne le sait pas encore. C'est arrivé cette année, dans le fond, fait qu'on n'a aucune idée encore. Mm-hmm. Puis bon, ça, c'est pour la philosophie, un exemple que je connais très, très bien. Maintenant, il y a aussi d'autres trucs ailleurs. Par exemple, Claude Jutras, qui est un cinéaste vraiment très connu, n'est-ce pas? Évidemment, c'est sûr, enlever la soirée, enlever le gala des Jutras puis le remplacer par autre chose, c'est bien correct. Maintenant, le gala Iris? C'est pas le Québec Cinéma, je crois. C'est vrai, c'est Québec Cinéma. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça aussi? Est-ce qu'on enseigne... par exemple, j'ai une amie qui étudie en cinéma ici au Québec. Ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on enseigne encore Claude Jutras? Ben, évidemment, parce que c'est une incontournable au Québec. Mm-hmm. On peut pas juste l'ignorer comme ça. Mais pourquoi est-ce que tu peux pas juste faire un petit paragraphe sur les allégations ou sur ce qui s'est produit autour? Puis, Bien sûr. Ben, oui, mais comprendre. C'est parce qu'en même temps, est-ce qu'il faut absolument que tu compares son travail versus ce qu'il a fait de mal? Ben... Il y a des trucs qui se font qui sont intéressants. Ce que j'ai entendu dire, par exemple, ce qu'un des profs en cinéma fait, un des profs qui enseigne à mon ami en question, ce que ce prof-là fait, c'est d'enseigner Claude Jutras rapidement, tout l'essentiel de son œuvre, mais pas faire de biographie ou quoi que ce soit. On fait juste donc pas omettre, si on veut, cette partie. Tu sais, parce que ce qu'il a fait, il l'a fait. Tu sais, je veux dire, s'il a fait une nouvelle tournure au cinéma québécois, ben il l'a quand même fait. Ça veut pas dire qu'il y a eu la meilleure façon de le faire. Mm-hmm. De même que Platon était esclavagiste, puis c'est quand même lui qui a fondé la philosophie. Là. C'est... À un moment donné, on peut pas passer à côté. C'est qu'avec le temps, on va probablement finir par l'oublier. Mais dans le présent, de pas le dire, on dirait que ça fait comme si tu voulais le cacher, non? Oui, tout à fait. Non, c'est bien de le dire, je pense. Ouais. C'est sûr que les gens comme John Searle ont aussi dans leur page Wikipédia une section allégations d'inconduite sexuelle. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, la chose que tu veux pas avoir sur ta page Wikipédia... Sûrement que sur Wikipédia, c'est comme un template par défaut. Là. C'est très facile à copier dans les inconduites sexuelles en ce moment. Ça arrive souvent avec les cinéastes et tout, évidemment. Avec c'est des petits trous pour mettre... Excuse-moi, faut pas parler de trous. Mais non. Fait que la question, dans les phrases, comment... Fait que la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais? Les espaces. Les espaces, oui, c'est ça, je voulais dire. Il y a comme plein de choses, il y a comme plein de trucs, de solutions qu'on pourrait utiliser, mais il y en a comme. C'est difficile de trouver le juste milieu, puis qu'est-ce qui est vraiment moral ou pas. Mais ça, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment clair qui se dégage de ça. Évidemment, des gens qui font des méfaits comme ça, il ne faut jamais les glorifier. Ça, c'est clair. Il faut toujours avoir un regard lucide sur ceux qui font des gestes comme ça. Même Platon et Aristote qui ont été esclavagistes, il faut avoir un regard lucide. Il ne faut pas les considérer comme des héros, des gentils. Mais non, il y a quand même, ils faisaient partie d'une culture machiste, esclavagiste, etc. Il ne faut jamais le nier. Heidegger, c'est un nazi. Ça aussi, il ne faut jamais le nier. Il faut le répéter le plus souvent en passant dans la même chronique. Heidegger, c'est un nazi en passant. Voilà. Au cas où que vous saviez. Oui. Donc c'est ça. Il ne faut jamais glorifier ces gens-là. Puis je trouve que ça peut aller très loin. Puis par exemple, Barack Obama, on le glorifie souvent. Puis même dans la gauche, c'est ça qui est intéressant. Pourtant, Obama, c'est quand même le président des États-Unis. Puis en tant que président des États-Unis, il a quand même fait plusieurs choses assez très, très questionnables. Ben, déjà, je pense juste être président des États-Unis par essence, c'est comme... Il y a toujours quelque chose de croche qui se passe avec ça, là. Mais Obama, entre autres, ce qu'il a fait, quelque chose qui le distingue beaucoup, c'est le fait qu'il a utilisé beaucoup de drones. Mais ça, ce qu'on sait, c'est que, par exemple, au Pakistan, où les drones étaient beaucoup utilisés et sont encore utilisés... On parle de drones pour tuer des gens. Oui, oui, c'est exactement. Pour cibler les terroristes, apparemment. Mais ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts de civils qui sont reliés à ça. Puis même, peu importe ce qu'on en dit, puis il y a des interviews d'enfants qui se sont faits à l'ONU, entre autres. Là. Des enfants qui disent qu'ils ont peur du ciel bleu à cette heure parce que quand il y a le ciel bleu, puis le ciel est dégagé, il y a des drones qui volent, puis quand il y a des nuages, il n'y en a pas. Fait qu'ils ont peur du ciel bleu tellement ça les traumatisait, t'sais. Puis ils voyaient leur famille mourir à cause des drones. Là. Fait que Barack Obama, là, le grand sauveur qui était tellement meilleur que Trump, il faut toujours... Ça, il faut garder une petite gêne, exactement. Mais il faut aussi relativiser sur le statut du président des États-Unis. Il n'est pas... il est le visage de ce qu'est les États-Unis, mais ça ne veut pas nécessairement dire que toutes les décisions sont prises par le président des États-Unis. C'est pas lui qui a tué les gens, mais c'est lui qui a engagé les gens qui ont tué les gens. Ben, c'est ça. C'était ben, lui. Ils sont déjà en place. Lui, il prend la place de quelqu'un d'autre. Ça dépend des postes. Le président, il bouge, mais les gens... Il y a beaucoup de gens qui bougent en dessous aussi. C'est ça, mais tu sais, par exemple, si on regarde, je sais pas moi, le directeur de l'armée américaine, ben ça fait probablement 20 ans qu'il est là. Ouais. Ça veut dire que ça fait genre peut-être 5 mandats. C'est possible, ouais, ça dépend du poste, mais oui, ça peut être. Peu importe la chain of command, en anglais, pardon de l'anglicisme, là, la hiérarchie décisionnelle. Les responsabilités, c'est ça, disons ça. Mais Obama a quand même été pour ça, il aurait pu l'empêcher. Pour ça, il a fait beaucoup de speech pour dire nous autres, on veut retirer les militaires du Moyen-Orient le plus possible. Mm-hmm. Fait qu'on va mettre des drones, tu sais. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a endossé carrément. Mm. Il a signé quelque chose de papier quelque part. Donc là, il a fait des belles choses, Obama, c'est clair, mais il faut toujours relativiser puis pas glorifier des gens qui ont fait des choses comme ça. Puis je trouve que ça va loin, puis loin jusqu'à Obama. Fait que moi, je suis vraiment pour appliquer cette ligne dure-là au niveau de la personne. Faut jamais glorifier la personne. Par contre, il y a des choses qui sont d'intérêt public. C'est ça qui arrive. Comme la philosophie de Platon, c'est d'intérêt public. Mm-hmm. L'œuvre d'Obama, c'est évidemment d'intérêt public parce que c'est politique. Les œuvres de Claude Jutras, de même, c'est d'intérêt public. Peut-être que les trucs d'Éric Salvaille, c'est pas d'intérêt public parce que c'est pas. Ça a aucun intérêt. Ouais, c'est ça. Parce que c'était vide de contenu. Vraiment, de toute façon. Ouais. En regardant ça par en arrière, moi, on dit que c'était vide. C'était vraiment pas bon. Quel jeu de mots facile. On est à la fin de l'émission. Déplaisant. Ouais, c'est ça. Ça sent la fin. C'est ça. Oui, mais dans le fond, c'est ça. Il y a des trucs qui sont d'intérêt public, puis on dirait qu'Éric Salvaille, ce l'est pas. Mais ça amène une autre question aussi. Qu'est-ce qui est d'intérêt public au final? Ben, parce que là, on peut dire, on peut se cacher derrière le principe d'intérêt public, puis dire, on garde ce qui est d'intérêt public, puis ce qui n'est pas d'intérêt public, on le garoche, tu sais, pour punir les malfaiteurs. Mais ça marche pas nécessairement de même, j'ai l'impression. Pourquoi? Parce que. On ne sait jamais trop qu'est-ce qu'il est d'intérêt public. Puis avec l'histoire, notre définition de l'intérêt public change énormément. Donc voilà, moi j'ai l'impression que si on se met à défendre ce qui est d'intérêt public puis retirer ce qui ne l'est pas, là on arrive dans quoi? On arrive dans la censure. Ouais. Puis parce qu'on ne le sait pas, parce que nos regards changent sur la chose, moi je pense que la censure des œuvres des personnalités publiques qui ont fait des méfaits, je pense que c'est vraiment... On ne peut pas faire ça. Je trouve qu'il faut que ça reste disponible tout le temps. C'est sûr que par contre... quand on trouve que quelque chose n'est pas bon à enseigner ou à montrer, on le montre pas. Je trouve que les gens qui font des méfaits ont le droit aux punitions, évidemment. La justice doit suivre son cours toujours. Ils ont le droit aussi au mépris. On a le droit des dévaloriser comme on veut. Puis je pense qu'on devrait les dévaloriser. On devrait pouvoir rire un petit peu d'eux aussi, hein, parce que des fois, on se fait dire qu'on devrait pas rire de ces affaires-là. Comment? Exactement. Je trouve qu'on a le droit de je pense que l'humour là-dessus, évidemment, c'est très très fondé. Pas si sur les victimes, sur... Non, c'est ça. Mais on peut rire d'eux autres de la même manière qu'on rit de Trump, là, évidemment. Là, donc, on a toujours ri en humour de gens qui font des trucs pas bons, des trucs croches, là. Donc, je pense que c'est normal aussi. Donc, mais pas de censure, autrement dit. Il faut quand même... par rapport aux professeurs de philosophie qui ont fait des agressions sexuelles, c'est la même chose. T'sais, s'il y a quelque chose qui est intéressant dans le cours, qu'on doit utiliser... en tant que prof, utilisons-le. À un moment donné, il faut faire... Il devrait y avoir des avertissements. En fait, un peu comme au cinéma, quand on dit avertissement, ce film est 16 ans et plus. Et, tu dirais quoi? Avertissement? La personne qui a fait ce film-là a peut-être fait des affaires. Tu fais un avertissement du style vous vous engagez à regarder quelque chose qui a été fait par quelqu'un qui a eu des problèmes de justice. J'ai un petit peu de problème avec ça. On a déjà parlé des avertissements de trigger warning sur Internet. Là. C'est un peu la même chose comme genre... Parce qu'en tant que tel, t'avertis pas sur le contenu, t'avertis sur la personne. Non, mais exactement. Ouais, mais c'est une proposition intéressante, ça, c'est sûr. Mais ce qui est clair, par contre, là-dedans, c'est qu'il faut toujours rappeler ce que les gens ont fait. C'est surtout si on diffuse leurs œuvres, il faut toujours le rappeler. Peut-être pas directement avant. Peut-être que oui aussi, je le sais pas. Mais au moins, en tout cas, il faut le rappeler autour, si on veut. Là. Une fois que tu le sais qu'il y a quelque chose, parce qu'il y a probablement plein d'autres créateurs qui ont... Ouais. Fait des affaires, puis on sait pas. Quand on enseigne Claude Jutras, puis on dit, voilà son œuvre, puis voilà ce qu'il a fait quand il était jeune, puis on peut parler de cette allégation de pédophilie aussi, là, c'est sûr. Je pense qu'on peut pas passer à côté, puis ça fait partie aussi de ne pas glorifier la personne, puis de la voir comme elle est. Donc, ça, je pense que c'est super important. Puis évidemment, c'est sûr, les œuvres de ces gens-là, si on peut les éviter, puis s'il y a des trucs ailleurs qui ont une valeur égale, là aussi, on peut peut-être aller vers ces choses-là. Mais par contre, c'est sûr que il faut jamais comme censurer tout ce qui est échange culturel, échange intellectuel. Il faut pas se mettre à faire ce genre de choses-là parce que à un moment donné, il y a des choses qui sont produites comme ça, qui sont super importantes, puis on peut juste pas passer à côté. Si on appliquait cette règle-là à tout le monde, tout le temps, ça marcherait juste pas. On n'aurait plus de philosophie presque. Mm-hmm. On n'aurait plus quoi que ce soit. Donc, à un moment donné, il faut savoir passer outre de ces choses-là. Surtout que, dans l'histoire, il y a beaucoup de gens qui ont été vus comme corrects à leur époque, puis aujourd'hui, ils ne sont pas conçus comme corrects. Donc, imaginez nous autres, si on fait certaines choses aujourd'hui conventionnellement normal, mais dans 200 ans, tu sais, les gens disent cette personne-là a fait telle chose, c'est inacceptable. Ouais, c'est ça. Parce que soit leur moralité sera comme aiguisée, si on veut, d'une certaine manière, ils seront comme plus efficaces. Ou soit que c'est juste qu'ils ont des valeurs différentes, par exemple. Supposons que, c'est vrai en plus qu'il y a quelque chose qui se pose à ce niveau-là, parce qu'on porte tous des trucs qui sont made in China, qu'on le veuille ou non, là, la plupart du temps, à moins qu'on soit vraiment willing, là. Donc, on a tout un petit peu du sang sur les mains, si on veut. Donc, on fait toute partie de ce système capitaliste-là qui exploite des gens dans le tiers-monde. Donc, on fait toutes des affaires un petit peu croches à ce niveau-là. Donc, imaginez des gens dans 200 ans qui nous jugeraient pour ça. Ça serait-tu nécessairement une bonne chose qu'on nous censure nos œuvres intellectuelles ou artistiques pour ça? Donc, il faut se poser la question. Donc, mon point de vue là-dessus, c'est non. Donc, tu sais, c'est sûr, des trucs comme Eric Salvay, ça a l'air tellement évident qu'il faut pas... C'est sûr qu'il faut pas leur donner des tribunes. Ben, quoique, en même temps, c'est sûr que si t'as... Ils vont se faire inviter en entrevue pour s'expliquer dans 6 mois, un an. Ils vont sortir leur livre avant. Ouais. Peut-être, oui. Il faut pas les encourager, ça, c'est sûr. Mais, mettons, si t'as un philosophe qui a fait des agressions sexuelles puis qui a une théorie révolutionnaire de la philosophie de l'esprit, par exemple... Vas-tu le censurer pour ça, tu sais? Les criminels ont le droit de publier en prison, par exemple. Donc, tu sais, pourquoi on se ferait cet œil pour œil, dent pour dent pour ces gens-là? Fait que, tu sais, oui, c'est sûr qu'il faut pas encourager, puis il faut s'arranger pour pas que ça soit trop glorifié, puis tout ça. Mais même pas trop, même pas du tout, là. Bon, on aimerait mieux pas leur donner de l'argent non plus sur ce qu'ils font. C'est ça. T'sais. Pas donner de l'argent aussi. Mais par contre, si la personne veut s'exprimer à un moment donné, tu sais, c'est sûr qu'il faut faire la part des choses. Si un meurtrier peut publier un livre en prison, faut quand même faire la part des choses à ce niveau-là, ça c'est clair. Donc, puis de la même manière aussi pour ce que j'ai dit au niveau historique, on se ferait juger nous autres ici, puis il y a des trucs super essentiels qu'on peut juste pas passer à côté. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, juste dire on censure la personne parce qu'elle a pas été correcte, ça marche juste pas. Donc il faut vraiment comme avoir une position nuancée sur la question. Ouais. Tellement, c'est bien dit, ah, tu oui. vois, parce que oui. le reste, il y avait des phrases qui avaient l'air prescriptives un petit peu. Faut pas qu'on fasse ci. Hein, mais c'est. Selon c'est toi. Nuancé. C'est voilà. nuancé. C'est nuancé. Exactement. Puis Eric Salvaille, quand il va mourir, on va dire que les recettes pompettes, c'était révolutionnaire. Je pense pas. J'pense non, pas. J'imagine. Non, non, non. Non, non, non. J'ai aucune manière. Même si Heidegger a passé à l'histoire, puis même si c'était pas bon, Eric Salvaille passera pas à l'histoire. Merci, Jimmy Thibodeau. Ben, ça m'a fait plaisir. Excellent encore. Tellement des sujets le fun à discuter ben oui. ensemble. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, c'est mardi à 9h. Dans quelques minutes plus tard, ce sera Marc-Olivier Dumas avec Sport et Filoché. Avant ça, on écoute Busty and the Bass. Up top. Up top, peut-être. Sur ce Turn it up. Did you think that I might turn my back and run away? You should know it's not my ordinary and not my everyday kind of way. But can I take a leap with you? Take a leap with you now. When it's rocky, I'll make it smooth. I'll make it smooth. Well, if there's room for two, take a leap with you now. Busty and the Bass! la pièce Up Top dans quelques instants. Sport et philosophie avec Marc-Olivier Dumas. Qu'est-ce qui s'en vient dans quelques instants? Eh bien, on va parler un petit peu de la Ligue de hockey junior majeur du Québec parce que les sports universitaires, bien, ils sont en pause. Oh! Il n'y a plus de hockey, plus de soccer, et on va parler aussi de la Russie et des Jeux olympiques. Oh boy, ça s'en vient! Assemblage requis dans quelques minutes. Assemblage requis. Toi aujourd'hui. Assemblage requis. On est dans le dernier segment de l'émission Assemblage requis, accompagné de Tania Baudin. Et de Mathieu Plante. Mais aussi de Marc-Olivier Dumas. Oui, Marc-Olivier Dumas qui est là pour son petit segment sportif, sport et philosophie. Olivier Dumas! Avec ton segment préféré, hein, Mathieu? Ben, j'aime quand même cette chanson-là, non? Ah, tu parles de sport en tant que oui. tel? Oui. Ouais. Non, mais on peut parler de météo avant. Ben, en tant que tel, aujourd'hui, c'était du sport se rendre jusqu'ici. C'est pas mal ça. On s'ennuyait pas de ça, comme t'as dit, Aaron. Ah, non, non, pas du tout. Ce matin, ça prend au moins un 5 minutes de plus facilement. Ouais. Et c'était très, très glissant et aux autres sports. Ouais, toi, t'es arrivé pas mal après nous, là. Nous, on est arrivé quand même assez de bonne heure. Il y avait rien de déneigé. Les conditions routières, c'est pas pire, au moins. Il commence à déneiger, okay. là. Les petites rues, c'est rien de déneigé. L'autoroute, j'ai pas eu, mais juste un petit peu plus en avant de moi. Mm-hmm. Juste après que je sois sorti, en fait, de l'autoroute, il y avait une déneigeuse. Okay. Donc, il commence vraiment les opérations de déneigement. Et pour résidents de Trois-Rivières aussi, peut-être ce soir, regarder les stationnements de nuit parce ouais. que ouais. Ça risque de fermer ce soir. C'est donc, si plaisant. Peut-être ouais, vérifier avant de recevoir une contravention parce qu'on n'a pas décidé de vérifier parce qu'on se dit qu'on est au mois de décembre. C'est ça. Et la raison pour laquelle on peut se permettre de parler de météo un petit peu, c'est qu'il y a moins de sports universitaires depuis les dernières semaines. Oui, en effet, parce que les derniers matchs universitaires de hockey, qui était le dernier sport en action encore, ont eu lieu pas cette fin de semaine, mais la fin de semaine dernière où j'en ai parlé, c'était deux défaites des Patriots contre UOIT. Donc, l'Institut d'ingénierie de l'Ontario, mm-hmm. un peu comme l'ETS, la Polytechnique au Québec. Donc, les Patriotes, hockey, volleyball, soccer, cross-country, natation, sont tous en pause présentement. Oui. Il n'y a rien, peut-être qu'ils ont quelques entraînements, mais rien de significatif, pas de match. Donc, rien devant public. Exactement. Donc, pour ce faire, aujourd'hui, on va peut-être parler un petit peu de la Ligue de hockey junior majeur du Québec parce oui. qu'on approche de la mi-saison déjà. Mm-hmm. Et, l'équipe de la région, les Cataractes de Shawinigan, ont peut-être des problèmes de yeux. On dirait qu'ils ne voient pas la rondelle. Ils ont de la misère à gagner des matchs. Deuxième fois que tu fais ouais, ce gag-là, c'est... Ça se passe pas super bien pour eux, là. Non, vraiment pas. 9 victoires, 23 défaites, une défaite en prolongation. C'est bon pour 19 points et, bon, c'est le dernier rang. Oh! Ouais, c'est ça. OK. C'est le dernier rang, c'est tout juste derrière les Sea Dogs de Saint John qui ont 8 victoires, 19 défaites, mais 4 défaites en prolongation, ce qui leur donne 3 points de plus. Et on est quand même assez loin des Foreurs de Val-d'Or qui sont mm-hmm. 16e, dernière position qui donne accès aux éliminatoires, qui ont 28 points présentement. Donc, tu sais, 9 points, c'est rattrapable là, dans une deuxième moitié de saison, mais ça commence à être beaucoup quand une équipe qui est plus faible. C'est sûr qu'on réussit à aller chercher quelques victoires de temps en temps. On est allé battre Halifax récemment. On a battu aussi... je l'avais juste devant moi. Bon, c'est Halifax, la victoire la plus récente. On est capable de tirer notre épingle du jeu, mais souvent, on arrive un petit peu à court au niveau des victoires. Et c'est un peu plate pour les Cataractes. On aurait souhaité une meilleure saison, mais la saison a peut-être été un petit peu coupée court dès le début de la saison, dès qu'on a su que Samuel Girard... était retenu par les Predators de Nashville, maintenant, il joue même plus pour les Prédateurs. Il est rendu avec l'Avalanche du Colorado. Oh, a été échangé. Vite, hein? Ouais. Donc, Samuel, qui est parti de la radio pour se rendre à Shawinigan. Non, c'est pas le même Samuel. C'est pas le même Samuel. C'est pas le même, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, chroniqueur au Mathieu Planchot, et j'ai entendu dire qu'il allait être là ce mercredi. Ouh, là là. Travaille pas Joe cette semaine? Live en studio. Wow! Mmh. Ça fait changement. Ouais, c'est ça. Mais oui. Parenthèse, hein. Donc, c'est ça, les Cataractes qui ont perdu plusieurs joueurs au début de la saison, qui ont été retenus par la Ligue nationale de hockey. Donc, ça fait que l'équipe est un petit peu plus faible, moins expérimentée. Et on le sait, le hockey universitaire, le hockey junior, tout ce genre de hockey qui n'est pas professionnel, c'est des cycles. Ça va sur 4 ans, 4-5 ans, dépendamment de la Ligue. Et bon, t'es fort quelques années, 1-2 ans. Puis après ça, ben, tu rajeunis, tu recommences au complet le cycle. Et là, bon, le cycle a été recommencé un petit peu plus tôt que prévu en raison des joueurs qui ont été retenus. Mais malgré tout, ça fait partie de la vie et c'est comme ça que les équipes doivent composer. Ouais. Est-ce que le film junior majeur va être meilleur que la saison des Cataractes? Probablement. On se le demande. Je le sais pas. J'ai pas vu le film. J'ai pas vu le film Pee-wee 3D non plus. Non. Donc... T'es en retard, là. En fait, c'est pas des films qui m'intéressent réellement. Non. Tellement mature, toi. Toi, t'es plus genre Slapshot. Ouais. Star Wars. Ah, okay. Même pas de sport là-dedans. D'ailleurs, cette semaine. Oui, ben, c'est vrai. Il y a des courses de protojet dans le premier. T'as raison, ouais, ces boules-là sont tellement longs. Sérieusement, chaque fois que je vois ces boules-là, je suis comme, voyons donc, ça dure 20 minutes. C'est sûr qu'ils ont fait l'effet sonore comme ça. À la bouche. Tchou, tchou, tchou. Tu sais, course de protojet, j'aimais ça la Formule 1 dans le temps aussi, fait que ça allait de pair des courses. C'était mon jeu préféré le aussi, Nintendo 64, je pense. Le petit gars dans le désert, là, avec ses courses de ça. Là. Ça? Oui. Mais oui. Ah, c'est long. Ouais. Non. Non. Le petit gars, c'est Luke, là. Non, ouais, c'est ouais, Anakin. Ouais, Anakin. Le petit gars, c'est Luke, hein. Le petit gars. Le petit gars, c'est Luke. Non. C'est Anakin Skywalker. Oui. Donc, là, présentement, la Ligue de hockey junior va ouvrir bientôt la période de transaction. Oui. Pour revenir sur le hockey junior. Parce que pendant la session... de cégep, ils n'ont pas le droit d'échanger parce que là, ça serait compliqué au niveau administratif pour les jeunes. T'sais, c'est pas l'idéal. On veut leur permettre de finir leur cégep. Là, le cégep fini. Et il y a le championnat du monde d'hockey junior qui arrive à grands pas, qui a lieu à Buffalo cette année. Et donc là, c'est la période de transaction. Donc les joueurs, tu sais, par exemple, Shawinigan, ils ont peut-être quelques joueurs qui pourraient être intéressants pour des équipes un peu plus fortes cette année. Comme Rimouski qui est deuxième, l'Armada de Blainville-Boisbriand qui est premier. Ouais. Ces équipes-là qui sont plus fortes vont essayer de se renforcer dans la période de transaction qui arrive pour pouvoir espérer gagner la Coupe du Président, aller à la Coupe Memorial. Donc, c'est cette période-là qui arrive, les équipes vont transiger. Et en même temps, ben, c'est le championnat de hockey junior qui aura lieu à partir du 26 décembre. C'est toujours un must pendant le temps des fêtes. Ah ouais, vraiment? C'est un peu plate quand. Personnellement, je trouve que c'est un peu plate quand il est en Amérique du Nord. Parce que moi, ce que j'aimais, c'est le matin, quand il y avait lieu en Finlande, tu lèves, puis tu regardes le match, bien tranquille, avec tes toasts, tes œufs, puis tu relaxes. Ben là, il est à Buffalo. Mais fait que ça va se faire en après-midi? Exact. OK. Des premiers matchs vers 13h environ, 16h. C'est pas si loin, tu sais, pour ceux qui ça leur tente d'aller voir du hockey. Bon, c'est une petite 6 heures de route, un petit road trip, pourquoi pas. Ça vaut la peine pour avoir été lorsqu'ils sont venus à Montréal il y a 3 ans. D'ailleurs, j'ai eu un souvenir Facebook qui m'a popé aujourd'hui. Là. Ah. Mais c'est vraiment le fun comme tournoi. Les jeunes, ils se donnent. T'sais, ils essayent d'impressionner, veut pas. Ouais, là. C'est ça. T'sais, y a des pisteurs qui sont là, qui regardent. Pis ça joue beaucoup sur leur cote au repêchage. Donc, ces jeunes-là, ils se défoncent à 100%. Et c'est vraiment un tournoi qui est très, très intéressant à regarder année après année. Comme je dis, ben, c'est plus le fun quand il est en Finlande, en Suède, en Europe, que quand il est en Amérique. Mais on fait avec. Il est ici. Et... Au lieu de déjeuner, on dîne en les regardant. C'est ça. C'est ça. Et on se souviendra que l'année dernière, la finale s'était jouée en fusillade entre le Canada et les États-Unis. Ouais. On a fait une chronique quand même assez longue à mon émission l'année dernière suite à ça. Parce que... On se demandait. Là. Ben, en fait, ça c'est un autre sujet, là, mais la fusillade en finale, est-ce que ça a sa place? Ça, on en avait parlé de long en large. Ouais. Parce que ça joue sur pas grand-chose. Là, c'est... Ben, c'est que le hockey, c'est un sport d'équipe. Ouais. Le hockey, c'est un sport d'équipe. Et pourquoi tu décides à un contre un? Mais en même temps, il y a des arguments pour les fusillades, puis il y a des arguments contre. Ben, c'est que c'est moins long. Ben, c'est surtout ça. Ouais. C'est parce que tu viens à bout là, à un certain moment. Mais surtout qu'ils ont joué une période de plus de prolongation, il n'y avait toujours pas de gagnant. Donc, on continue-tu? On fait-tu comme dans la Ligue nationale et on continue à jouer des périodes? Oui, exactement. Universitaire aussi, je pense, si je me souviens bien, c'est comme ça, si on va rajouter un 20 minutes après. Oui, un universitaire autre 20 minutes. Série éliminatoire, c'est ouais. ça. D'ailleurs, à ma première année universitaire, les Patriots avaient joué en finale. 12. Troisième match. C'était ouais. le dernier match contre les Ravens de Carlton. 5 périodes de prolongation. Ouais. Je pense que ça a été la plus longue de l'histoire des Patriots. Burnout si instantané. Ouais. C'était vraiment une longue période, puis les Patriots sont arrivés épuisés à la Coupe ben Queen oui. après ça. Pis c'est normal, là, t'sais, c'est dur. Là. 5 périodes, là, ça veut dire qu'ils ont joué 2 matchs et demi. Là. Avant que un. Puis c'est le premier but, là. Ouais. C'est pas comme au soccer où on peut répliquer dans la période. Non, c'est le premier but, c'est fini. Il y a eu 5 périodes sans but. Là. Ça, lourd. Mais. Lourd. Pour l'avoir vécu dans un aréna, il n'y a pas. De feeling, de sensation meilleure ouais. que de la prolongation parce que t'es au bout de ton siège tout le long. T'es tout le temps debout et avec un certain stress. Quand l'autre équipe attaque, tu fais comme ils vont-tu marquer, ils vont-tu marquer, ils vont-tu marquer. Mm. Puis quand c'est ton équipe, là, t'es au bout. Ah ouais, go, go, go, go, go. Mm. Fait qu'il y a un certain stress qui est vraiment plaisant. Il y a un thrill qui est là, qui se développe dans ce genre de période-là que tu vas pas nulle part ailleurs. Puis je trouve ça le fun. La mort subite. Dans le sport, on s'entend, là, mm-hmm. pas, ouais, pas non, le nourrisson, là, quand même pas. Non, mais ce qu'on appelle la mort subite, le sudden death, ou appelle ça comme tu veux, je trouve un que... but. C'est ça, un but, merci, bonsoir. Là. Ben, c'est de la prolongation, on cherche ouais, quoi? Exactement, c'est ça, un t'as but. Pas le choix, ça prend un but. T'sais, c'est pas comme au soccer, je trouve ça plate, il y avait le but en or dans le temps, puis là, ouais. il l'a enlevé. Mais ça, on est en prolongation, on veut juste départager les équipes. Donc, premier but, merci, bonsoir. C'est sûr qu'il y a d'autres sports comme le football que ça se fait un peu moins bien parce que c'est un jeu ouais. de possession, mais encore là, c'est ça. Donc, le fait est que Shawinigan, présentement, ça va pas bien. Probablement qu'ils vont être vendeurs lors de la prochaine période de transaction. Ça serait surprenant que ce soit le contraire. Il y a aucun avantage réellement à aller chercher une place en série éliminatoire. On va avoir un bon choix au repêchage. On va aller chercher des jeunes. Je pense que c'est le meilleur présentement pour les Cataractes. Après, son verra. On verra ça. Ensuite, on va parler peut-être un peu des Olympiques. Oui. Oh, on est rendu là. Mais oui. Ben oui, wow. ben oui. J'étais triste parce que la nouvelle est sortie comme 5 heures trop tard ouais. la semaine dernière. C'est vrai. Puis quand j'ai vu ça, ma première réaction, c'est de dire Holy Macaroni. C'est pour ne pas être vulgaire. Non, non, en fait, c'est Holy Cabbage que j'ai dit. Ah, oui, du chou sacré. Oh. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'était ma première réaction. J'ai vu ça et bon, c'est une grosse nouvelle en soi. Mais on parle de la Russie aux Olympiques. Oui, c'est ça. La Russie qui a été bannie des Jeux Olympiques. Mais en fait, il faut faire attention. C'est le pays ouais. qui est banni. Ce ne sont pas les athlètes. Ouais. Donc, dans les faits, ça changera pas. Pas grand-chose. C'est juste que leurs médailles n'iront pas dans la colonne de la Russie, mais exactement. Dans la colonne des autres, c'est ça? Ça va aller dans la colonne des athlètes neutres olympiques c'est ça. De les la Russie. Tout ça. De certains pays qui n'ont pas accès nécessairement. Donc, ça change pas grand-chose. Dans les faits, c'est plus un move politique que ouais. d'autres choses parce que les athlètes ne sont pas bannis. Les Est-ce athlètes... que ce sont les mêmes athlètes, par contre, qui ont eu recours à ces fins-là? Qui vont pouvoir y aller ou ce sont les athlètes qui ont été testés négatifs? Les athlètes qui vont pouvoir y aller, c'est ceux qui vont avoir prouvé au CIO ouais. qu'ils sont propres. Le Comité okay, international olympique, exactement. Ils vont parler de drogue dans leur pipi, c'est ça? Exactement. Mais on se rappelle, ouais, ça fait longtemps, là, c'est un dossier qui dure depuis quand même un bon nombre d'années. Puis oui. on parle d'entraîneurs qui se cachaient pour pouvoir échanger l'urine de certains athlètes ah, là, ouais. avant le test. C'est du doute. Page systémique. Là. C'était ouais. vraiment dans le système de la Russie. La on dopait. C'est ben, ça. En fait, c'est ça. C'est avec les entraîneurs, avec le système de Russie, avec les Jeux olympiques de Sochi, la Russie a décidé de faire un programme comme ça pour améliorer un peu les performances, pour reluire à leurs propres Jeux olympiques. Bon, se sont fait pincer. Et par là... deux athlètes russes aussi. Oui. Ben, c'est deux athlètes russes qui ont levé la main, en fait. Exact. Et là, ça a failli se faire à Rio. Ils ont failli bannir. Finalement, c'est seulement les athlètes de l'athlétisme qui avaient été bannis. Et le CIO avait juste repoussé le mandat sur les différents comités sportifs. Donc, c'était, par exemple, au comité de natation de dire si la Russie avait le droit ou pas. Et là, cette fois-ci, c'est le CIO qui a, en parenthèse, mis ses culottes et on a dit, on bannit les Russes. Sauf, comme que je dis, ça n'apporte pas un gros changement parce que les athlètes russes vont pouvoir être là quand même. Le hockey, l'équipe de Russie risque d'être là quand même. Et tous les sports d'équipe, si la Russie est déjà qualifiée, elle va pouvoir être là. Et à ce niveau-là, j'ai peut-être un petit problème. Si on décide de bannir l'équipe de Russie, la Russie en général, d'après moi, tous les sports qualifiés avec la Russie ça laisse un trou et il faudrait requalifier. Ouais. Ça, c'est mon avis personnel. Ça va pas assez loin. Ben, tant qu'à bannir, ouais. Si tu décides de bannir quelque chose comme ça... Mais tu le laisses continuer. Ben, comme si de rien en fait, était. C'est ça, on fait juste enlever le drapeau là, au final. Là. Ouais, en même temps, c'est touché pour ceux qui sont clean puis qui ont réussi à passer les tests de propreté. Je suis d'accord avec toi. Pis... est-ce que les athlètes, je sais pas si ça se faisait du côté du hockey aussi, mais est-ce que les athlètes qui ont testé positif, eux, vont être tout simplement bannis de l'épreuve? À ce moment-là, c'est un remaniement d'équipe aussi là, qu'on va devoir faire du côté de la Russie. Je suis d'accord avec toi. Puis moi, tout ce que je demande, c'est pas que la Russie soit automatiquement disqualifiée. C'est juste que leur trou soit libéré et qu'il y ait un tournoi de qualification qui se fasse ou que l'équipe soit invitée quand même parce qu'on s'en passe, c'est la Russie. C'est là. La Russie, là. Elle va se qualifier, là, c'est évident. Mais c'est juste montrer un peu de transparence. Puis tant qu'à dire, on vous bannit, bien, regardez, passez par le système de qualification. Vous allez vous qualifier. Il n'y a pas de danger réel avec ça. Donc, c'est par rapport à ça. J'ai peut-être un petit bémol, mais ça change pas grand-chose. Ouais. Est-ce qu'on a un petit sport à découvrir pour cet hiver? Mais en fait, je voulais parler de curling aujourd'hui parce que les essais olympiques canadiens se sont terminés dimanche dernier, autant du côté masculin et féminin. Parce qu'on s'entend, le Canada au curling, c'est la puissance mondiale. Ouais. Les 9 équipes qui étaient présentes aux qualifications ont une chance de remporter une médaille aux Olympiques, ça ne fait aucun doute. Et il faut choisir seulement une équipe masculine et une équipe féminine. Donc, comment qu'on fait ça? Il y a divers tournois de pré-qualification pour se qualifier. Il y a une vingtaine d'équipes qui est présélectionnée pour ces pré-qualifications-là. Et dans ces équipes-là, 9 se qualifient pour le tournoi de qualification olympique qui avait lieu la semaine dernière et qui s'est terminé dimanche. Oui, hier aussi, je pense. C'est des reprises sur ma hier. C'était des reprises hier. Et bon, j'ai regardé un petit peu parce que ça m'intéresse toujours un petit peu. Il écrit pas dans le coin quand c'est une reprise, hein? Non, c'est pas marqué, non, en effet. Parce que hier, je dois dire que j'ai expliqué un petit peu qu'est-ce que le curling à Mathieu. Ouais, mais c'est intéressant quand même. Parce que beaucoup de monde trouve que le curling, ça a de l'air facile, tout ça. C'est tellement tough. C'est vraiment dur pour avoir joué deux fois. Physiquement ou mentalement? Les deux. Les deux. Okay. Physiquement, juste le fait de balayer pour amener la pierre. Tu sais, tu balais quand même fort. Il faut vraiment que tu frottes le plus possible sur la glace. Donc, c'est quand même assez difficile. Juste aussi viser avec la pierre, le poids qu'on met sur la pierre, la force qu'on met, là, c'est quand même assez difficile. Là. Je veux dire, ça prend pas grand-chose pour que la pierre ait un petit peu trop loin, un petit peu trop court, tout ça. Donc, c'est vraiment des très, très... Ben, c'est des athlètes maintenant. C'est là. Fou, là, ouais. C'est plus comme dans le temps où c'est que c'est le mononcle avec sa bière qui jouait. Là, ben, pour vrai, dans les années 80, si on regardait le Breyer, souvent, les messieurs, c'était ça. Ben, ils buvaient leur bière ou leurs 2-3 bières avant d'aller jouer leur game. C'est ça. Alors que si on regarde l'équipe qui a représenté le Canada aux derniers Olympiques, ils étaient en forme, ils s'entraînaient à tous les matins. Donc, tu sais, c'est un monde complètement différent. Et du côté canadien, masculin, pardon, c'est Kevin Coey qui s'est qualifié pour les Olympiques. Ça va être sa première présence aux Olympiques. C'est une équipe des territoires du Nord-Ouest. Ah, OK. Ni plus ni moins. On entend rarement parler d'eux. Ouais. C'est ça. En fait, Kevin Coey, il vient de Yellowknife, dans le territoire du Nord-Ouest. Habite maintenant à Calgary, en Alberta. Mais une très, très belle performance. A réussi à battre des médaillés d'or olympiques en Brad Bouchou, qui avait remporté en 2006. Et j'ai oublié son nom en 2010. J'ai un blanc de mémoire rapidement. Moi aussi. Lui, il n'était pas là en 2010. C'était Martin. Et en 2014, c'était Jacobs. Je pense que c'est ça. Donc, a réussi à battre des médaillés d'or olympiques, ni plus ni moins. Et du côté féminin, c'est Michelle Owen qui se qualifie. Et elle aussi qui a réussi à battre des Jennifer Jones qui a remporté des médailles aux Olympiques. Ça, c'est impressionnant, là, arriver à détrôner Jennifer Jones, c'est quelque chose. Mais en fait, veux pas, ce jeu-là, c'est qui est le plus en feu dans une semaine? Parce que ça joue des fois sur certains coups. Et pour avoir vu le dixième bout hier en reprise... Il en manquait pas gros pour que ça pousse la prolongation. C'est sûr qu'Omen aurait été favorisé avec le marteau en prolongation, mais c'est Rachel Omen. Kevin Martin pour l'équipe de 2010. C'est ça, Kevin Martin avait remporté l'or d'ailleurs. Et Jennifer Jones qui avait remporté l'argent en 2010. Mais ce sport-là est vraiment intéressant. Il faut regarder plus loin que juste y balaye. Il y a une stratégie qui se fait et les coups qui peuvent se faire, c'est excessivement difficile. Quand on tente des doubles sorties, triples sorties pour faire de la place dans la maison, c'est très très difficile. Il faut vraiment être très très bon au curling pour être pour représenter le Canada. Ben oui, et bon, le Canada à chaque année est une très très grande chance de médaille d'or. Les Olympiques en février. Oui. Tellement hâte. J'aimerais ça dire sur nos ondes, mais non. merci Marc-Olivier Dumas. Ça me fait plaisir. Sport et Philosophie tous les mardis matin à 9h30. On t'écoute aussi à l'émission Patriote en action les jeudis matin à 10h. Pas cette semaine. 11h. Pas cette semaine. Non, cette semaine c'est la fin de session et on va mourir si on fait l'émission. Tu pourras pas faire de débat sur le sucre des boissons des arénas de Montréal. Con. Ouh. En tout cas. Bref, Patriote en action jeudi à 11h sauf pour cette semaine et sauf pour le congé des fêtes, donc c'est ça? Exact. Voilà, en janvier. En janvier. Un congé bien mérité. Ah voilà. Merci aujourd'hui à Dominique Nodmabungu pour sa chronique Voix d'Afrique. Merci à Jimmy Thibodeau pour Gauche Herbe et Vue et bien sûr à Marc-Olivier Dumas. Justine Renaud, ben Colin, peut-être qu'on la retrouvera la semaine prochaine, non? Bien, on va essayer de la retrouver en tout cas. Ah oui. Elle est sûrement cachée quelque part. Sûrement. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, on est mardi. Rock de Neuron va être en rappel à midi. En direct, il y a ça dans ta face à 15h et les ports sortables à 16h, sauf peut-être. Qui sont pas là, eux autres. Ouais, c'est ça. C'est dans ta face, va être là. Hein? Oui, exactement. 19h, réanimation, lui, est toujours là. Métal et horreur. À demain. Et wow, wow, wow, matière noire, 21h. Je sais pas pourquoi j'oublie tout le temps une émission par jour, hein. Oui. Et c'est surtout que Matière Noire, on débute notre top 25 des albums de l'année. Deux parties de 3 heures chaque, c'est exact. Ça? Donc aujourd'hui, normalement, c'est de 25 à 11. La semaine prochaine, c'est le top 10. Donc manquez pas ça, amateurs de Metal Prog, ça vaut la peine. Ça va être la meilleure musique de l'année. Voilà. Mardi à 21h, ça repasse les vendredis à 22h. Donc pour compenser pour mon manque de plug, je vous en fais 2-3. Cif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Demain, mercredi, n'oubliez pas de nous écouter à partir de 7h parce que Sébastien Viertin va être là au début de l'émission. Alex Marchand va être là à 8h. David Ferron à 8h30. La chronique de la Luitre à 9h. Et Marc Lachance à 9h30. Ça en fait une grosse émission. Au moins la moitié de ces gens-là devraient être là. Exactement. On l'espère. Dis-moi, on va toucher du bois. À demain, 7h. Bye tout le monde, bon café!